Donc l'animateur principal de cette séance arrive avec un peu de retard parce qu'il a mis un autre séminaire jusqu'à 17h et donc je pense qu'il arrivera dans quelques minutes. Mais je voulais profiter de ce retard, de ce décalage, de l'arrivée de Sylvain Giron pour dire quelques mots en introduction, non pas précisément de ce que lui va dire à propos de la finance chrétienne médiévale, mais pour établir quelques ponts entre cette séance-ci, les précédentes et celles qui vont suivre. Et donc, ça ne prendra pas la forme d'un exposé abouti, mais plutôt d'une série de questions préliminaires qu'il faut avoir, il me semble, présentes à l'esprit pour comprendre comment s'insère cette séance sur la finance chrétienne médiévale dans la démarche générale du séminaire. Donc, je vous rappelle que les deux termes qui appartiennent et qui forment le titre du séminaire sont tout à fait essentiels. À propos de la finance, la question que l'on se pose, c'est la question de l'éthique en matière financière, et le terme performativité est là, bien sûr, pour son aspect proprement épistémologique, mais aussi parce qu'il pointe la question de la responsabilité des sciences sociales dans la cité. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, je voudrais faire donc trois remarques pour introduire cette séance. D'une part, premier point sur lequel je dirais deux, trois mots, par rapport entre autres à la séance précédente où il a été essentiellement question de modèle, et qui est quand même la matrice de pensée en matière financière à laquelle nous sommes quasiment venus de nous conformer ou de nous référer, il paraît judicieux de créer les conditions d'une prise de distance par rapport à cette façon de penser les choses. Et donc, à ce titre-là, le retour vers la finance chrétienne médiévale est une manière de se dépayser. Mais je voudrais revenir sur quelques points concernant les modèles. Deuxièmement, autre question sur laquelle je serai beaucoup moins long. Un trait commun au raisonnement théologique, cette fois-ci sur la finance, me semble être le trait suivant, à savoir que les penseurs tente de produire une arborescence consistante, donc cohérente de règles, alors que les textes de référence, les textes religieux desquels ils s'inspirent, à l'inverse, nous confrontent à des dilemmes, voire des paradoxes. Et donc il semble qu'on soit toujours devant une inévitable casuistique qui, selon les d'appartenance religieuse peut-être soit déléguée à des autorités religieuses, comme dans le cas des charia board pour les produits financiers islamiques, ou assumée dans la sphère politique, le politique étant entendu dans son double sens de police, l'État, la production de l'ordre et donc de droit, et politique au sens d'émancipation et donc d'espace public. Ou dit autrement, le pouvoir. Le politique en termes de pouvoir sûr ou en termes de pouvoir d'agir ensemble. Donc c'est dans ce registre-là, évidemment, qu'il nous semble que les sciences sociales ont un rôle à jouer. Le troisième point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est attirer l'attention sur l'enjeu majeur que représentent les opérations de traduction des concepts centraux de la réflexion sur la finance, passer du latin au français par exemple, mais aussi passer de l'arabe à l'anglais, qui, on verra sur le petit exemple que je vous ai distribué, que ces questions de traduction sont au cœur de la compréhension même des enjeux de ces opérations, ces processus de gestion de la finance. Par exemple, comme vous le savez, la sourate du Coran, à partir de laquelle dérivent de très nombreux raisonnements, théologiques ou non d'ailleurs, sur la finance, c'est la sourate 2, 275, qui dit en première approximation, bien évidemment, et c'est parce que ce que je vais dire n'est pas satisfaisant qu'il faut creuser les questions de traduction, Hein, en gros, Allah permet le bail, le profit, et interdit le riba, l'intérêt. Bon, cette formule, résumée de cette manière-là, est utilisée très fréquemment sous cette forme simplifiée. Je prends par exemple un travail financé par la Société Générale sur la finance islamique. Évidemment, est beaucoup trop simplifié, elliptique, voire fausse, pour comprendre les enjeux qui se jouent derrière cette réflexion sur la finance. Donc, c'est un des points sur lesquels on reviendra un peu plus tard, mais que désigne exactement le terme B, le terme riba, le terme garar, etc. Alors, ces trois réflexions introductives s'appuient sur le schéma méthodologique que je vais rappeler, parce que on l'énonce à chaque fois en début d'année, mais bon, là, le public se renouvelant un petit peu, je me permets d'y revenir. D'une part, il y a une démarche qui consiste à faire en quelque sorte la généalogie, voire l'archéologie des concepts auxquels on a affaire, mais parallèlement ou corrélativement, il nous semble tout à fait fécond de procéder à des mises en relation, soit de modèles différents, soit de schèmes de pensée différents. Et donc la mise en relation et la mise en comparaison des préceptes de la finance islamique et des argumentations qui la sous-tendent avec les raisonnements de la scolastique médiévale me paraît, ou nous paraissent, par leur caractère radicalement, ou en appuyant sur le caractère radicalement différent, de donner à voir des choses qui concernent les deux objets. Et donc, c'est la prise, prendre au sérieux le titre d'un petit ouvrage de Marcel Détienne, Comparer l'incomparable, qui nous semble relativement fécond. Alors, le premier temps de cette enquête, comparer le presque incomparable, consiste justement à donner la parole à Sylvain Piron, qui est spécialiste de la scolastique médiévale, qui s'est beaucoup intéressé à l'incertitude, aux probabilités et à la finance. Donc, on va nous initier un peu à cet univers de réflexion. Je voudrais juste souligner que le dépaysement, après avoir lu ces textes et ceux de Norbert Meunier, est encore plus radical que je ne pensais au départ. Parce que dans la mise en place du séminaire, le noyau de réflexion historique était le XVIIe siècle, qui semblait à plus d'un titre, qui est le reste à certains titres. Mais le point de départ de la réflexion conceptuelle qu'on pouvait mener. Et cet aspect-là, sur lequel j'ai écrit et qui est le point de départ de ma réflexion, demande de toute évidence à être révisé partiellement. Je pense que le point de départ de mes travaux, c'était cet ouvrage-là de Ian Hacking, L'émergence de la probabilité, où on avait écrit comme point central. En prenant déjà une distance avec Hacking, au sens où il nous semblait que la fin du XVIIe siècle n'était pas à proprement parler l'émergence du concept de probabilité, mais l'émergence du calcul des probabilités, première distance, mais en nous servant quand même de toute la matière qu'il y avait dans ce livre, avec une deuxième réserve qui annonçait d'une manière ce que le manque que va en partie combler Sylvain, c'est que Hacking ne prend absolument jamais en compte la sphère économique, les transactions entre les marchands, mais seulement la sphère de la science mixte, la médecine, etc. Et donc, on sentait bien qu'il y avait là une faiblesse majeure, que l'on va commencer à combler, je pense, aujourd'hui. Alors, donc voilà, pour cette question du dépaysement. Sur la question des modèles, donc je pense que il y a une généalogie à faire de l'usage non seulement du concept, mais de notre pensée par modèle. Il y a évidemment, à mon avis, deux temps majeurs qu'il faut prendre en compte. Justement, la fin du XVIIe siècle, où on quantifie le probable et l'incertain, et le fait de quantifier, de dresser des tables statistiques, des tables de mortalité, c'est une première manière de s'émanciper de toute doctrine ou toute théorie, parce que, comme le dit Hacking, on peut commencer à raisonner sur des tables de chiffres et tirer des enseignements, des variations de ces chiffres, et donc d'avoir des matériaux numériques qui sont déconnectés de toute théorie et auxquels on peut confronter des théories. Et donc cette production de modèles, là c'est dans sa phase préliminaire, c'est-à-dire l'émancipation des théories ou des doctrines, évidemment trouve son articulation la plus consistante dans les années 30, XXe siècle, avec l'axiomatisation, cette fois, des probabilités, mais aussi toute la réflexion sur la formalisation qui se développe dans ces années-là. Et donc, ces modèles, il me semble que cette pensée par modèle est un obstacle à la pensée éthique, parce que, il n'y a pas de place pour justement tous ces dilemmes et ces paradoxes qui se trouvent inscrits dans toutes les doctrines religieuses, mais elles disparaissent dans la formulation quantitative des modèles. Et deuxièmement, ce n'est quasiment plus qu'une syntaxe dont la sémantique est réduite à la plus simple expression, qui est celle de la sigma-algèbre déjà contenue dans les termes de référence, les termes du formalisme. Donc, il me semble qu'il y a des choses à voir de ce côté-là, d'autant qu'en lisant Sylvain, je ne sais pas s'il en dira un mot aujourd'hui, mais on voit dans les travaux sur le 12e, 13e, 14e siècle émerger des choses qui sont quasiment des formes archaïques, des proto-modèles. Il me semble que l'on peut, en tous les cas, travailler là-dessus. Le fait d'utiliser un autre événement et son déroulement pour évaluer une indemnité ou un prix du risque, c'est déjà comparé deux situations. Le fait, comme le dit Honor Bermenier, de revoir, il me semble, le rôle des jeux, non plus comme une surprise que quelqu'un comme Pascal réfléchit à la question des jeux, mais au contraire comme un exercice simplifié, c'est aussi, d'une certaine manière, une forme archaïque de la notion de modèle. Donc, je pense qu'on a besoin de travailler là-dessus. Sur les paradoxes, c'est le deuxième point, donc sur cette casuistique incontournable, la fameuse sourate que j'ai citée tout à l'heure, hein, le profit est permis, l'intérêt est prohibé, ne fait que générer, évidemment, des tensions qui tentent d'être en permanence réduites par le travail d'interprétation et par cette posture qui semble indépassable de chercher à réduire les tensions pour inscrire, créer des arborescences de règles qui permettent d'être simplement appliquées et permettre de nous échapper de ces problèmes de dilemme. Je pense que dans un des textes de Sylvain que je ferai circuler, on voit aussi à l'œuvre dans la pensée chrétienne cette question des paradoxes ou des dilemmes entre, par exemple, l'importance de récompenser une bienveillance et l'articulation avec la prohibition de l'usure. Hein. Et donc c'est ces tensions-là qui convient de prendre en charge, auxquelles il convient de réfléchir, et de voir comment on essaye de les dépasser plutôt que de penser que l'on a affaire à des systèmes de principes consistants. Je ne vais pas être plus long puisque Sylvain est arrivé, mais je vous ai distribué un petit texte, un petit document où il est question par exemple d'un terme qui est très utilisé pour définir des règles dans la pensée musulmane pour et délimiter ce qui est permis et autorisé, c'est le terme gara, qui est associé à des choses relativement différentes, comme l'incertitude et le risque, admettons, qu'on les rassemble, mais la tromperie, il n'y a aucune raison d'associer les deux termes. Donc là, déjà, à l'intérieur de la traduction de ce terme-là, la proposition de principes relativement incompatibles, incohérents, en tous les cas. De même, et ça c'est juste une piste de recherche pour l'avenir, il me semble que dans les textes écrits en anglais à propos de la finance islamique, il y a chez certains auteurs un passage non maîtrisé de sale à trade, donc de l'échange entre deux personnes et du négoce en général, où évidemment interviennent d'autres personnes que les seules personnes entrant dans la négociation, ce qui me change à mon avis beaucoup de choses. Donc tout cela serait à regarder de près. Je ne dis rien d'un auteur qui me semble être une mine tout à fait intéressante sur la finance islamique, car beaucoup d'auteurs contemporains sur la finance islamique ont cessé d'être réellement de mener des raisonnements théologiques pour inscrire cette finance dans une, par exemple, un des textes qui est le plus diffusé, qui est un texte de Mahmoud El Gamal, qui a une pensée tout à fait néoclassique, où tout est pensé en termes de coûts et bénéfices. Il n'y a aucune réflexion théologique. Donc, même si la forme extérieure première, a priori, se donne comme une pensée conceptuelle ou principielle, ultimement, ce n'est absolument pas le cas. Et l'argument en faveur de la finance islamique et d'un garar modéré, c'est que c'est finalement ce qui protège le mieux les intérêts des parties. Donc on est en termes de calcul économique et pas du tout en termes, peut-être un tout petit peu en termes éthiques, mais en tous les cas pas en termes théologiques. Donc, tout cela mérite examen, d'autant que l'un des... Je vais faire circuler le texte si je le trouve, voilà. En revanche, un autre auteur, Soubani, qui méritera sans doute une grande attention, à l'inverse, éclaire de manière la signification du terme « bay » ou « bay », je ne sais pas très bien comment on doit dire, de manière théologique et donc extrêmement intéressante pour notre propre raisonnement. Donc il y a un chantier extrêmement vaste, mais on vous propose aujourd'hui de commencer par la finance chrétienne médiévale. Merci. Non, mais tu m'as perdu. Juste un petit peu, je ne vais pas rien tourner, je vais m'en servir. D'accord, voilà. Merci beaucoup, je ne sais pas, bon, du coup, comme tu as bien une série de choses, exactement où vous en êtes, et qui vous êtes et ce qui vous intéresse, mais... nos discussions au fond, effectivement, il semble qu'on avait de quoi échanger, et notamment d'expliquer cette tradition chrétienne qui remonte en fait assez précisément à la fin du XIIe siècle, et qui est le point de départ de ce que, d'un certain modèle d'interprétation de rapports économiques. Alors l'auteur principal dont je vous parlerai, je ne sais pas si vous avez tout à lire le fascicule de documents qui va circuler, je parlerai surtout d'un texte parce que c'est un texte dont je suis en train de préparer l'édition et la traduction, dont je l'ai en traduction, c'est moi qui fais la traduction, donc je connais le latin par cœur à peu près, et je peux expliquer les choix de traduction. Et beaucoup des travaux que j'ai faits depuis 10 ans sur ces questions-là sont liés précisément à des histoires de traduction. Dans le texte latin, donc le mot latin présent est periculum, et je me suis fait littéralement incendier par un collègue un petit peu colérique qui me disait c'est scandaleux de traduire periculum par risque. Et du coup, j'ai fait une enquête pour essayer de lui montrer que non, le mot risque existe au Moyen-Âge. Et je ne suis pas du tout arabisant, mais j'ai réussi à démontrer que le mot risque est vraiment un emprunt à l'arabe, fait par des pisans, probablement à Tunis, enfin, Tunisie actuelle, dans les années 1140. Et on voit apparaître en latin le mot risicum, ou en italien risicu, ça circule dans tout l'espace de la Méditerranée occidentale. Mais pour autant, moi, je ne connais absolument rien au monde à ce qui se dit dans le monde arabe et à la pensée musulmane éthique sur ces questions-là à cette époque-là. Donc je parlerai du versant latin, sans savoir ce qu'il doit ou non à l'islam. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait des échanges directs. Il y aura, je vous dirai un mot juste sur un emprunt à la pensée hébraïque, parce que là, il y a des choses tout à fait évidentes. Donc peut-être pour repartir de la théologie, tout simplement le point de départ, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'usure. Pourquoi tout ce problème? D'où vient le problème? Et le problème, il est simplement effectivement un précepte présent dans la Bible qui est assez clair, qui est l'interdiction de l'usure. Alors, je ne vais pas ramener tout le dossier biblique ici, mais vous connaissez tous les formules. Il dit tu prêteras à intérêt à l'étranger, mais pas à ton frère. Il y a différents préceptes qui interdisent de prêter. Alors, je ne suis pas non plus hébraïsant, donc je ne vais pas me lancer dans. Mais je pense que c'est la même racine que riba en hébreu, qui veut dire donc cette. Alors, qu'est-ce que c'est que cet intérêt, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? En tout cas, les latins le traduisent par usura. Moi, je me resterai en ayant bien conscience qu'on a des racines juives derrière et des parallèles musulmans. Il y a simplement dans la tradition chrétienne ce mot usura qui a été pris et qui est un mot de latin classique qui voulait dire en latin une chose tout à fait autorisée. Donc, un des grands dilemmes qu'ont les médiévaux sur cette question-là, c'est d'être confronté au droit romain, puisqu'on est à une époque qui redécouvre le droit romain à partir du XIIe siècle dans les écoles de Bologne, dans lequel on trouve des codes de Justinien contenant le digeste des textes de droit romain classique qui tolèrent l'usure, et les chrétiens savent que par différence, nous interdisons usura, c'est l'usure. Donc le débat sera de définir qu'est-ce que c'est. Alors d'où ça vient, pour le dire très très simplement, l'usure, c'est simplement, l'interdiction de l'usure, c'est simplement l'expression d'un devoir de charité. C'est ça la racine de tout, hein, c'est extrêmement simple, c'est le devoir de charité à l'égard. Alors à l'égard de qui? Tout le problème, est-ce que c'est à l'égard de tout le monde, de son frère, des pauvres, hein, et toutes les propositions théologiques qu'on peut faire autour de ce précepte, dans quelle mesure il vaut? Est-ce que c'est un précepte obligatoire? Jusqu'où? Mais en tout cas, il s'exprime par le fait que si tu donnes de l'argent, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui te le demande et qui en a besoin, tu recevras la même chose en retour sans avoir quelque chose qui s'y ajoute. Hein, et usura, alors pour prendre la première définition qui est donnée par les juristes, hein, donc pour l'instant je suis à Bologne, à la fin du XIIe siècle, hein, pour expliquer. Bologne, c'est le lieu, la ville d'Italie, où dans des écoles qui au départ étaient des écoles de théologie, hein, la différence entre droit canon et théologie est une invention justement du XIIe siècle. Jusque-là, et même c'est le moment où on forge le premier grand code chrétien de droit canon. Il y a des précédents, mais le vrai code qui s'impose, c'est le décret de Gratien. Et Gratien est un enseignant de Bologne qui rassemble des sentences, soit des pères de l'Église, soit des conciles, et en faisant ses propres commentaires, c'est lui qui fonde, donc, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, le premier code de droit canon. Et donc les écoles de Bologne, d'un côté, ont redécouvert les textes classiques de droit romain, et rassemble ce qui peut être un droit de l'Église, et donc les deux facultés, ce qui sera après des facultés quand l'Université de Bologne sera fondée, organisée, disons, au début du XIIIe siècle, mais au départ, donc, dans les écoles, on a des échanges permanents entre le droit civil, basé sur le droit romain, et ce droit canon qui s'invente vraiment à cette époque-là. Hein, il s'invente puisque, je vous rappelle une historique très générale, c'est ce qu'on appelle la réforme grégorienne dans la deuxième moitié du XIe siècle, qui est vraiment le moment fondateur de l'Église comme institution, avec le primat de la papauté et l'organisation d'une bureaucratie centralisée à Rome, et le début donc, de l'Église telle qu'on la connaît encore dans le monde catholique. C'est son moment de naissance, et le droit canon est le droit interne de cette institution, et qui après, ce qui vaut pour les clercs, mais qui peut aussi s'étendre aux pratiques des laïcs qui ont des dimensions théologiques. Sur la question du mariage, puisqu'on est également à l'époque où se forge la définition des sacrements, la limitation des sacrements, le mariage étant un sacrement, tout ce qui concerne le mariage est traité par le droit canon. Et de même, tout ce qui concerne l'usure est traité par le droit canon, donc traité par les tribunaux ecclésiastiques. Et tout le Moyen-Âge vit dans un échange assez intéressant à observer entre des tribunaux civils et des tribunaux ecclésiastiques, et des contrats usuraires avec mention d'usure ne peuvent pas être interdits par des tribunaux civils si la région le tolère, si la coutume, etc., ou si on s'appuie sur le droit romain. Par contre, ils sont censurés par les tribunaux ecclésiastiques. Donc c'est dans ce cadre-là, début pour ça, je vous parle d'abord des glossateurs, hein, des commentateurs de ce corpus qui se constitue de droit canon. Et c'est eux qui inventent vraiment les choses, au départ à Bologne, fin XIIIe siècle. Mais ayez en tête que ça a une telle importance pour l'Église, ce sont des écoles qui jouent un rôle dans l'Église elle-même, on pointe que, donc c'est ce qui se passera finalement en 1234, quand un pape, Grégoire IX, organise le premier recueil de décisions pontificales, papales. Hein, il y a vraiment toute une phase d'élaboration par les écoles. Ce sont les écoles qui organisent les recueils de décisions des papes. Et on a 5 collections différentes. Finalement, c'est la 5e qui est organisée et reconnue comme collection officielle, qui complète le décret, qui sont les décrétales. Le décret, ce sont les textes anciens, soit des pères, soit des conciles, relativement anciens. Et les décrétales, ce sont les recueils de décisions prises par les papes dans des lettres qui traitent généralement d'un cas particulier, qui sont érigées en décisions ayant une valeur plus générale, organisées donc selon à peu près le même plan, mais produites donc, par un échange entre les écoles et le pape. Donc, ces écoles jouent un rôle tout à fait crucial dans la détermination même du dogme, et dans le même temps, Paris est le centre pour la théologie. Il y a cette séparation entre Bologne et Paris, mais c'est le moment même où se sépare, se distingue le droit canon de la théologie. Ce n'est pas de tout temps qu'il y a eu cette distinction, et la distinction n'est pas très nette, et ce qui relève de la théologie, ce qui relève du droit canon, c'est pas toujours très évident. Mais en tout cas, il y a une autre façon de travailler qui s'impose à l'Université de Paris, qui est également créée au début du XIIIe siècle, en parallèle à celle de Bologne. Donc je passerai après, j'irai après à Paris, puis après on partira à Narbonne, où on respire un air un petit peu plus tranquille. Donc les premières distinctions, enfin les définitions qui sont faites par les canonistes de Bologne, c'est qu'est-ce que c'est que l'usure. Et la première définition, c'est l'usure, c'est tout ce qui dépasse, tout ce qui excède la somme prêtée. Alors, ce qui posera beaucoup de difficultés, la solution, le vrai coup de génie, enfin de génie, la simplification, le droit canon est une discipline très très économique, hein, qui n'a besoin que de très peu de mots, qui s'exprime par les formules les plus brèves possibles. Alors, il y a plein de renvois à des textes, qui sont des systèmes très compliqués à lire, on voit très bien, on accumule les renvois, mais la pensée juridique s'énonce, hein, au Moyen-Âge, par des formules très très brèves, et donc c'est un des plus grands canonistes de la fin du XIIe siècle, qui est Uguccio, petit duc, Uguccio de Pise, qui dit non, c'est tout ce qui dépasse la somme prêtée dans un prêt en raison de ce prêt. Et c'est ça, ce qui sera la définition à peu près universellement retenue, puisque cette définition-là passe dans la bulle, dans un décret pontifical d'un pape, Benoît XIV, au milieu du XVIIIe siècle. Le dernier grand débat sur l'usure dans le monde catholique a eu lieu, enfin, l'avant-dernier, enfin, ça n'en finit jamais, mais le dernier grand débat a eu lieu en plein milieu du XVIIIe siècle. Ça revient exactement, et on a un pape qui reprend à peu près à la lettre la définition donnée par Uguccio de Pise à la fin du XIIe siècle. Enfin, juste pour donner une idée de cette longue durée, le vrai dernier débat, c'est en France à la Restauration, après la Révolution, qui a liquidé le droit canon. Pendant la Restauration, il y a eu un débat sur est-ce qu'il faut également restaurer également cette législation catholique sur l'usure. Et il y a un débat totalement ignoré, personne ne la connaissance, je n'ai jamais lu d'études complètes, mais c'est très intéressant. Enfin, j'ai lu quelques ouvrages qui sont intéressants pour moi en tant qu'historien, parce que c'est des auteurs qui essayent de refaire l'histoire de tout le débat. Donc c'est passionnant. Mais ça n'a pas été étudié, je pense, dans le fond. Parce que c'est totalement. On est après Smith et Ricardo. Mais encore, donc, après en France, Turgot, et après des auteurs qui ont effectivement expliqué que l'usure, c'est non seulement c'est obsolète, mais en plus c'est anti-économique, l'interdiction de l'usure. En tant que tel qu'elle est comprise théologiquement. Donc juste pour dire que si on a affaire à une très très longue durée, un cadre de très longue durée, hein, c'est ce qu'on peut appeler la pensée économique des scolastiques, pour reprendre un titre célèbre, mais que je suis tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une vraie pensée de l'économie à partir d'un problème théologique. Et c'est je qualifie ça même de paradigme, dans le sens où c'est vraiment un modèle explicatif qui s'oppose, hein, on n'est pas dans les paradigmes scientifiques qui se succèdent les uns aux autres, c'est un modèle qui s'opposera aux autres modèles, aux autres modes de pensée l'économie. L'économie, c'est-à-dire les richesses. Il y a d'autres façons de penser la richesse que de partir de cette question théologique, qui est extrêmement simple. En fait, c'est il y a un précepte de charité, et charitablement, quand on prête quelque chose, on ne demande pas plus en retour. C'est un prêt qui doit être gratuit. Alors, le modèle d'explication que développent les canonistes, et là, c'est effectivement toutes les questions de mots, c'est de trouver quel est le type de contrat dans lequel vaut cette prescription. Et le contrat, c'est un contrat de droit romain, c'est leur base, qui est le contrat de mutuum. C'est un contrat de prêt. Hein, c'est pas ça. Ceux d'entre vous qui parlent italien reconnaissent tout de suite le mot mutuo, qui est le mot qui veut dire prêt en italien. Donc c'est le mutuum qui est une forme de prêt gratuit, hein, qui est distinguée en latin du fenus, qui est là le prêt onéreux, ça veut dire le prêt dans lequel une rémunération est offerte. Tableau, je vous l'écris, on a vraiment deux types de contrats. Vous allez voir que ces concepts comptent beaucoup. Ça, c'est un contrat qui prévoit une rémunération. C'est si je te prête 100 aujourd'hui, au terme du contrat, tu me rendras 110. Et en revanche, le mutuum est un prêt qui est par définition gratuit. Et si tu me prêtes 100 aujourd'hui, je te rendrai 100 au terme du contrat. Et rien de plus. Et donc, ce mot, alors pourquoi les juristes de Bologne ont choisi ce mot ? Parce qu'il est dans les évangiles, notamment. Mais la raison, c'est qu'en Luc 6, 35, il y a cette fameuse forme, enfin fameuse, pour ceux qui ont jeté un œil à ce genre de texte, elle est fameuse, une formule qui dit « date mutuum nihil index perantes ». C'est-à-dire donc littéralement « faites des prêts, mais des prêts gratuits, nihil index perantes, sans rien en espérer en retour ». Seul élément dans le Nouveau Testament, pour les chrétiens, c'est le seul lieu dans lequel il y a une référence directe à la question de l'usure. Autrement, c'est une question juive. C'est une question fondée dans l'Ancien Testament. Et le débat qui est possible, la question a été posée par les protestants, par Calvin notamment, est-ce que toutes ces prescriptions de l'Ancien Testament sont encore valides dans le Nouveau Testament ? Parce qu'elles font partie de ces choses légales, ce qu'on appelle les legalia, donc les prescriptions de la loi, qui sont parfois cérémonielles, qui sont des rituels figuratifs, mais qui sont abolis par la nouvelle loi, ou est-ce qu'elles rentrent dans le cadre des prescriptions morales, des moralia, qui sont du droit naturel et donc qui sont permanentes, hein? Est-ce que on est dans un... Et donc, on peut penser, est-ce que certaines prescriptions de l'Ancien Testament concernant l'usure pourraient être considérées comme étant abolies par le Christ? Alors, le seul lieu dans lequel il faut... Donc, il faut trouver quelque part... dans le Nouveau Testament, un passage qui montre que le Christ n'a pas aboli, et que ce point fait partie des choses que le Christ n'a pas aboli, mais a confirmé et a étendu, généralisé, etc. Donc, la façon dont cette phrase est comprise est vraiment absolument cruciale pour toute la pensée de ce problème. Alors, donc la solution, quelle solution de Boucher de Pise, c'est l'usure, c'est tout ce qui dépasse le principal, la somme prêtée, en raison du prêt. Ça veut dire qu'il peut y avoir des titres annexes pour d'autres raisons. Et du coup, se développe une première casuistique, avec débat sur quelles sont les choses, à quel titre on peut exiger quelque chose en plus. Mais en gros, il y a deux titres qui sont acceptés tout de suite et qui correspondent à une expression encore utilisée en droit en France aujourd'hui, qui sont les dommages et intérêts. Et le mot intérêt. Le mot intérêt qu'on emploie dans pré-intérêt, qui est le courant d'intérêt, dérive de là. Ça s'est généralisé au fil du temps, précisément au XVIIe siècle, en réalité, le tournant du XVIIe pour cette question-là. L'intérêt, au départ, c'est vraiment le dommage et intérêt. Et qu'est-ce que ça veut dire intérêt en latin ? Id quod interest, c'est la différence. Ce qui fait une différence. Le mot intérêt veut simplement dire ça fait différence par. Alors donc, la question qui est posée, c'est à quel titre on peut exiger des dommages et intérêts ? Ben, le premier titre qui est très simple, c'est un retard. Je te prête 100 aujourd'hui, donc tu dois me les rendre dans 3 mois. Si tu ne les rends pas dans 3 mois, dans le contrat, on peut indiquer une clause de pénalité de retard. Et pour retard, tu me donnes quelque chose qui est un intérêt, qui est un intérêt d'un retard. C'est une peine, c'est un intérêt d'une pénalité de retard. Et ça peut être légal. dépend dans quelle proportion, jusqu'où, etc. Autre titre qui est tout à fait justifiable, l'essor en question, j'en avais besoin. Je te les ai prêtés en janvier pour que tu me les rendes à la fin mars. J'en aurais eu besoin pour faire quelque chose en avril. Je n'ai pas pu le faire. Et ça m'a causé. Par exemple, moi-même, je devais rembourser un autre prêt. Et à cause de ça, moi-même, j'ai été en retard. J'ai dit, il y a une de retard. Donc, tu me causes un dommage. Hein, donc, le deuxième titre, c'est le damnum, hein, le dommage. C'est dommage et intérêt. Donc, ça, c'est un autre titre. On appelle ça, alors, les juristes, ça, plus tardivement, on appelle ça les titres extrinsèques. Hein, intrinsèquement, en raison du contrat lui-même, en raison du mutuum, on ne doit rien exiger. Mais on peut, en plus, pour des titres extrinsèques qui ne sont pas en raison du prêt lui-même, mais en raison d'autres éléments, d'autres circonstances, exiger, demander quelque chose. Alors, il y a d'autres formes. Je vais passer sur le débat, on en verra peut-être. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps de le dire en détail tout le texte, mais un des grands débats, c'est donc quels sont les titres qui permettent, qui autorisent à avoir des formes d'intérêt, hein, tout en restant dans le cadre d'un prêt qui est gratuit. En raison du prêt, rien de plus ne doit être exigé. Par contre, il peut y avoir des titres annexes. Donc ça, c'est pour la doctrine canonique. Et on a une série d'énonciations des cas dans lesquels il y a quelque chose en plus. Alors, sur la question de la gratitude, qui est effectivement une des antinomies les plus flagrantes, hein, je te prête sans, tu me les rendras, et je ne peux pas rien demander comme rémunération, comme tout ce qui rémunère, qui paye le fait que je t'ai prêté. Mais comme je t'ai rendu service. Hein. Et quand on rend service à quelqu'un, et bien, humainement, on fait un cadeau pour remercier. Hein, et donc, ça impose d'arriver à penser la distinction entre la rémunération et le remerciement. Et donc, mais le remerciement, ce n'est pas quelque chose qui vient par contrat, ça vient quelque chose qui vient par un mouvement gratuit, qui n'est pas imposé dans le contrat, qui est en plus. Bartholomé Clavero a écrit ce livre que je trouve absolument odieux. Et comment ? Non, mais je vais vous montrer, bien sûr. Je trouve que c'est un livre très très bizarre de quelqu'un qui n'a pas compris, enfin, qui a présenté plein de matériaux, mais il n'a pas compris de quoi il s'agissait vraiment. Et à la fin, il dit « je n'y comprends rien ». Et je crois que les gens ont pris ça comme c'était une déclaration, c'est la crise, on ne comprend pas le monde ancien, etc. En fait, il n'a vraiment rien compris ce qu'il avait vu. Donc j'ai fait un article pour expliquer de quoi il s'agissait. Sur le devoir de gratitude, qui est une vraie antinomie, c'est-à-dire qu'on a un devoir naturel de gratitude. Ça, c'est une pensée qui est aussi présente chez ces juristes. Hein, ils commentent le droit civil, le droit canon, mais ils ont toujours en référence quelque chose qui est le droit naturel. Avec plusieurs définitions du droit naturel, est-ce que le droit naturel, c'est ce qui est commun par nature à tous les animaux ? Il y a deux définitions très intéressantes qui s'opposent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est simplement des humains ? Alors, parfois, pour faire la différence, on dirait qu'il y a le droit des gens, donc on parle de tous les peuples, le droit qui est commun à tous les peuples, ou le droit naturel qui est aussi la création. Mais dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a cette gratitude naturelle à l'égard de son bienfaiteur. De même que les enfants témoignent de la gratitude envers leurs parents, il y a une sorte de bienveillance naturelle des parents envers les enfants, qui est récompensée par une gratitude des enfants envers les parents. Et de même, on a naturellement un sentiment de gratitude à l'égard de quelqu'un qui vous fait du bien. Alors, c'est du droit naturel, mais on le voit très bien, pour des chrétiens, il y a des nuances très fortes derrière, et ce n'est pas par hasard que le mot gratia dérive de là. Gratia de la Fatoulo, c'est des choses très, extrêmement proches. C'est effectivement très proche, mais Clavero commet l'erreur qui, à mon avis, fatale, parce qu'il est au départ un historien de l'économie, qui a vu l'importance de la théologie pour comprendre les relations économiques dans le monde ancien, enfin, pré-moderne, mais il n'a pas compris l'importance des distinctions et que le même mot, gratia, peut avoir deux ou trois sens différents et qu'il est souvent employé dans le même contexte, dans trois sens différents. Et il pense que c'est la même chose, et il confond les dimensions, il aplatit tout, et il ne comprend rien. Donc là, il importe de bien comprendre la distinction. Un titre, alors c'est pas un titre juridique, hein, c'est une clause par laquelle, une belle clause, c'est quelque chose qui ne doit pas être exprimé. On ne doit pas dire « je te prête 100 et tu me remercieras en me donnant une vache, ou un bœuf, ou un poule, ou 50, voilà. » Ça ne peut pas rentrer par contrat. Mais par contre, je ne peux pas t'interdire de me remercier. Parce que sinon, si tu ne me remercies pas, tu seras ingrate. Donc c'est un vrai devoir de gratitude sans lequel on commet un péché. On commet un péché en demandant de l'usure ou en versant de l'usure, mais on commettra un péché en ne donnant rien non plus. Hein, donc on est bien dans des antinomies. Et là, elle est résolue par cette idée d'une gratitude et avec une distinction très subtile d'un autre canoniste totalement, enfin, surtout inconnu, d'accord, Alain Langlais, Alain Samoulikous, qui fait une distinction entre l'intention première et l'intention secondaire. C'est-à-dire que si je t'avais fait le prêt gratuit, mais avec l'espoir que tu me ferais un cadeau, mon intention aurait été mauvaise, et donc j'aurais commis un péché parce que c'est la même chose que vouloir de l'usure, vouloir un prêt à l'usure. Par contre, si secondairement je sais que tu me feras quand même un cadeau, je peux pas t'empêcher de me faire un cadeau, mais j'ai pas fait le prêt pour ça, mais c'est une intention secondaire, alors c'est pas mauvais. Et on peut accepter. Donc on a ce genre de distinction-là, donc Clavero est passé à côté de ces affaires, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a cette distinction très fine, puisqu'on est dans le droit canon juge, comme un dictum très fameux dit, Dieu scrute les cœurs, et donc le droit canon juge des intentions. Mais, c'est là où on est encore dans sa domaine de l'antinomie, l'Église ne juge pas des choses cachées. Donc on juge des intentions, mais seulement au terme de la confession. Et on est exactement au moment où tout ça se met en place, puisque c'est en 1215, hein, dans le Concile de Latran IV, qui est imposée la confession annuelle obligatoire, la confession auriculaire, donc secrète, des votes chrétiens chaque année. Donc c'est vraiment, on est dans ce moment de fondation de l'institution de l'Église, et d'organisation et d'invention de ces dogmes. Voilà. Donc juste pour brosser rapidement le tableau de qu'est-ce que c'est que l'usure. Hein, donc c'est l'interdiction d'un prêt pour, dans un cas particulier d'un contrat, et ce contrat, donc du coup discussion, dans quel cas il y a ce contrat est appliqué, et la définition juridique dit l'usure, le mutuum a lieu, l'usure n'a lieu que dans le mutuum, et le mutuum n'a lieu que pour les choses qui sont qui consistent en nombre ou en poids, c'est-à-dire qui peuvent être pesées ou comptées, et donc ce sont l'argent, le grain et les liquides, donc l'huile, en gros c'est. Et on comprend très bien derrière que le mutuum, c'est un prêt de consommation. C'est pas dit tel quel, mais ça veut dire ça en réalité. Donc l'autre, à partir de là, on a un interdit général. Et il y a plusieurs tendances qui s'opposent dans les écoles. Et là, je passe à Paris maintenant, chez les théologiens parisiens de la même époque. Ça apparaît exactement au même moment, donc dans les dernières décennies du XIIe siècle, ce qu'on appelle l'école biblique morale, autour de quelqu'un qui s'appelle Pierre le Chantre, à Notre-Dame, et qui est, il reprend une tradition plus ancienne peut-être, mais ils sont le premier à donner un grand essor à cette théologie pastorale qui cherche à vraiment moraliser la société, et qui donne naissance à une série de prédicateurs. Donc c'est vraiment le début des sermons, modernes, c'est un peu absurde pour le XIIe siècle, mais c'est vraiment la grande époque du sermon qui commence avec cette école, et qui sermon qui vise à vraiment moraliser la société, et deux grands thèmes qui sont développés, c'est assez évident, c'est bien sûr le mariage et l'argent, pour le sexe et l'argent, et les sermons visent directement, en général, les prostituées et les usuriers, qui sont les deux populations ciblées, où la pratique de l'usure est la pratique du sexe illicite en dehors du mariage. C'est en l'époque qui essaye d'imposer cette idée du mariage qui est relativement neuve, du mariage chrétien. Voilà. Donc on est dans ce cadre-là, et dans ce cadre-là, on essaye de moraliser à l'excès, et on élargit. Donc la tendance des théologiens sera d'élargir la définition de l'usure. Il y a de l'usure dans d'autres contrats que le mutuum, donc il y a une toute tendance, et c'est dans ce cadre-là que se développe, c'est dans l'école de Pierre le Chantre, que se développe une image qui est reprise, qui est en fait inspirée par un texte très étrange, hein, qui est des homélies sur Matthieu d'un pseudo Chrysostome, qui en fait est un auteur arien du 5e siècle, mais attribué à Chrysostome, donc avec une grande autorité, reçu pour partie dans des... Alors c'est aussi là, très amusant, c'est ce qu'on appelle les pailles du décret de Gratien. Donc Gratien fait son décret, et dans les premières générations, ce sont greffés des textes supplémentaires, et donc parmi ces pailles qui sont ajoutées, il y a des extraits du pseudo Chrysostome sur Matthieu, qui contient une critique féroce des marchands, et qui a les textes les plus frappants, disant aucun marchand ne peut plaire à Dieu, donc critique du profit en général, et d'autre part, des images sur l'usure comme vol de temps. Hein, Jacques Le Goff, c'est un des arguments que Le Goff a beaucoup développé dans La Bourse et la Vie, Et il a tout à fait raison, c'est un argument frappant. Mais à mon avis, parce que ça illustrait aussi une thèse de Le Goff, hein, qui est un article célèbre sur tant de l'Église, tant du marchand, qu'il y a deux temporalités différentes, et l'usurier vend le temps qui n'appartient qu'à Dieu. Alors c'est une image frappante, on verra que ça ne tient pas après très longtemps. Fin 13e, c'est oublié. Et Le Goff, du coup, a un peu gommé, moi, ce qui m'est apparu au contraire comme l'image la plus frappante, c'est pas le vol de temps, c'est le cannibalisme. L'usurier est celui qui mange son frère, qui mange la chair de son frère. Et là, il y a des comparaisons animales que les prédicateurs ont. Enfin, c'est des gens de grand talent qui font des choses qui sont... Alors, il faut lire le latin, il faut apprécier ce genre de littérature, mais on a parfois des belles trouvailles et on a des, beaucoup de comparaisons animalières avec des animaux qui se dévorent, qui dévorent leurs enfants. Et ce cannibalisme-là, c'est vraiment... L'usurier, c'est d'abord, on ne sait pas le vol de temps, c'est un peu secondaire, le vrai cœur de l'affaire, c'est la cruauté. L'usurier, c'est celui qui est cruel envers son prochain, qui, au lieu de l'aider, le dépouille, lui prend sa substance, parce qu'on a aussi, dans le latin de l'époque, le mot substance, ça veut dire beaucoup de choses, et ça veut dire à la fois la subsistance et la substance. Et c'est une sorte de confusion, enfin, c'est le mot à deux sens, mais on prend l'un pour l'autre, et celui qui va prendre la subsistance, hein, puisque c'est un prêt de consommation, donc demander un intérêt, enfin, de l'usure, je ne sais pas ce qu'il y a dans les potes, demander de l'usure à un pauvre qui en a fait un prêt à intérêt, c'est comme lui retirer sa nourriture, et donc c'est comme le dévorer directement. Voilà. Donc c'est ça, à mon avis, l'image la plus forte, et c'est par là qu'on comprend vraiment ce qui choque, c'est contraire à la charité. Et on est dans un moment donc, pour vraiment synthétiser l'histoire de l'Église médiévale, après ce moment de... Le premier moment de fondation de l'institution ecclésiale, la nouvelle église grégorienne, fin 11e, début 12e, le grand moment qui se passe fin 12e, début 13e, c'est la volonté de moraliser la société. On a d'abord séparé, parce que ça consiste à ça en fait, l'église grégorienne, c'est de séparer les clercs des laïcs, et de mettre à part l'église, et de définir effectivement qu'est-ce que c'est que les clercs qui doivent être, et c'est la grande nouveauté, c'est le clérical des prêtres, le célibat des prêtres. C'est vraiment une invention de ce mouvement. Enfin, tout ce qui s'impose, c'est les clercs doivent être des moines. Les prêtres, tous les prêtres, toute l'église doit être fondée sur le modèle monacal. C'est ça, l'église grégorienne, elle est fondée par des moines qui viennent souvent de Cluny, qui prennent le contrôle de l'église pour en faire une institution qui prend en charge la chrétienté en étant elle-même quasi monastère. Début 13e, c'est autre chose, c'est vraiment la christianisation, la moralisation chrétienne de la société. Et notamment à travers cette question de l'usure, qui est un des lieux les plus flagrants où il y a un devoir de charité qui n'est pas respecté. Et dans le même temps, il y a toujours la grande question, jusqu'où s'impose ce devoir de charité? Qu'est-ce qu'il faut donner? Dans quelle mesure? Dans quelle limite? Parce qu'on doit garder pour soi. Il y a plein de discussions sur cette question, pour le superflu. Mais l'usure est le point de bataille. Et les choses se décantent un petit peu progressivement, et notamment, alors, la troisième étape, c'est l'arrivée d'Aristote. Guillaume d'Auxerre, qui est un auteur des années 1220-1230, est le premier qui utilise alors, les premiers chapitres de l'éthique, hein, qui sont traduits, les trois premiers, et il comprend déjà certaines choses, et il est le premier qui invente un mode de réflexion qui superpose deux niveaux. Il y a le niveau théologique, selon les prescriptions théologiques, et puis il y a le niveau selon le droit naturel. Alors c'est extrêmement important pour eux, parce que ça montre que toutes les prescriptions théologiques sont fondées en raison. Il y a une démonstration rationnelle possible de toutes les exigences religieuses. Et donc, ce qui est très frappant chez Guillaume d'Auxerre, c'est qu'il y a cette volonté de faire coller les deux niveaux. On arrive toujours exactement aux mêmes conclusions. Alors dans les générations ultérieures, des auteurs arriveront justement à montrer qu'il y a des différences, des discordances, des points dans lesquels les commandements religieux sont au droit naturel. Typiquement sur la question de la gratitude, il y a un point où il y a une contradiction directe entre les dimensions. Mais pour le départ, il y a vraiment une sorte de fusion. Alors, une fois que toute l'éthique est traduite, la traduction, en fait, les latins ont d'abord le commentaire moyen d'Averroès, c'est une paraphrase qui est rendue disponible vers 1240, puis 1247, Robert Grosstedt traduit sur le grec toute l'éthique, et Albert le Grand a les deux choses en main à Cologne vers 1248-1250 quand il commente la totalité. Et c'est vraiment l'acte fondateur, Albert le Grand, donc dominicain, ayant comme assistant Thomas d'Aquin. Avec une question, des rapports entre les deux qui est assez mystérieuse, dans le sens où toujours c'est Albert le maître et Thomas l'élève, mais c'est peut-être Thomas qui a poussé Albert à lire Aristote. Thomas avait déjà lu Aristote avant que Albert de Sibert. Mais en tout cas, Albert et Thomas, ensemble, se sont convertis et ont lancé cette idée assez bouleversante pour tout le monde, de prendre Aristote comme base philosophique et de fonder une philosophie chrétienne sur Aristote. Hein, la somme de théologie de Thomas d'Aquin, qui est rédigée entre 1260, enfin publiée entre 1266 et 1273, puisque Thomas n'a pas achevé, après son décès, en 1974, c'est une sorte de. Enfin, la partie la plus frappante pour nous, qui est la deuxième partie de la deuxième partie, hein, ce qu'on appelle la seconda secundae, trois parties, et la deuxième partie étant deux parties, c'est la partie de morale pratique, qui n'est pas autre chose qu'une explication suivie de l'éthique d'Aristote, transposée comme modèle de la pensée chrétienne. Donc, les trois éléments qui convergent, si vous voulez, dans cette fin du XIIIe siècle, c'est d'une part les bases juridiques, tradition romaine reprise par le droit canon, reprise et modifiée par le droit canon, exigence théologique et philosophie aristotélicienne. Et c'est le croisement de ces trois dimensions chez l'auteur dont je voulais vous parler, je prends comme résumé, parce que c'est le plus intéressant de toute la tradition scolastique selon moi, c'est le texte que j'ai en français, et c'est un des textes aussi les plus avancés, sur pas mal de points. Donc c'est la confluence de ces traditions-là qui explique ce que j'appelle la formation du paradigme scolastique, d'analyse des rapports économiques. Les rapports économiques, à partir de ce problème simplement limité de l'usure, les rapports économiques sont pensés à partir des contrats juridiques qui leur sont sous-jacents. La façon dont j'interprète la nouveauté théorique d'Olivier, elle consiste à dire que les relations contractuelles doivent être traitées à part des autres obligations morales. C'est-à-dire, il y a une morale qui s'impose dans plein de situations, à tout le monde, mais qui sont des choses qui vous engagent personnellement. Le contrat, c'est la rencontre de deux volontés. Et la rencontre de deux volontés doit se faire selon certaines modalités qui respectent la liberté des deux volontés. Et on peut pas le, on n'est pas seul responsable, il y a une sorte de co-responsabilité qui impose une sorte de moralité particulière. Et donc, la pensée économique, mon interprétation, ce que j'appelle la pensée économique des scolastiques, c'est une pensée morale des relations contractuelles, qui ne peut pas être simplement une transposition des préceptes moraux dans le domaine économique. Ce n'est pas la même chose. Ce que faisaient les auteurs auparavant, avant Olivier, et jugeant notamment, donc la distinction, vous la comprendrez très vite avec cet exemple-là, Olivier est franciscain. Donc son texte avait été écrit à la fin de sa vie à Narbonne. Il est originaire de près de Béziers, il a vécu toujours entre Béziers, Montpellier et Narbonne. Il a eu des soucis avec son ordre, enfin, c'est un penseur un peu hors norme, de la génération juste après Thomas d'Aquin est dominicain, donc il répond à Thomas d'Aquin sur le sujet, y compris là, il a la somme de théologie de Thomas d'Aquin sur sa table de travail, quand il reprend la question, et c'est une réponse à Thomas très largement. Et étant franciscain, il a une idée très forte de la pauvreté volontaire, de la pauvreté évangélique. Et donc quand il lit les évangiles, il est particulièrement attentif, enfin, quand il enseigne, parce que lire, ça veut dire pour un enseignant, c'est commenter, au Moyen-Âge, quand il explique à ses étudiants des évangiles, il est attentif à identifier quels sont les conseils de perfection évangélique donnés par le Christ aux apôtres. Qu'il distingue des préceptes chrétiens qui valent universellement pour tout le monde. Il y a des préceptes généraux, et donc qui sont aussi les préceptes de droit naturel présents déjà dans l'Ancien Testament, mais s'ajoute à cela des conseils de perfection donnés par le Christ aux apôtres, puisque dans sa vision franciscaine, les franciscains ont fait le vœu de vivre selon l'Évangile. Dans sa version à lui, qui a été toujours très critiquée et condamnée, finalement, de la pauvreté franciscaine, c'est une pauvreté qui consiste à vivre sur le modèle du Christ. Et donc le vœu franciscain n'est pas un simple vœu monastique, qui serait les trois vœux classiques de pauvreté, obéissance et chasteté, avec une petite modification apportée par François. C'est pas ça, c'est la totalité, c'est faire le vœu de vivre selon l'Évangile, avec une notion très très intéressante qui est celle d'un vœu indéterminé. Le vœu franciscain, selon lui, est un vœu qui n'est pas précis, limité à une série d'exigences précises, mais c'est un vœu indéterminé et qui s'adapte aux circonstances, aux situations. Et selon les situations, être franciscain, agir en franciscain, varie selon les circonstances. Et il ne peut pas être prescrit par avance. Et Alors, il y a bien sûr des règles générales données par les supérieurs, mais en dernier ressort, c'est l'individu lui-même qui a fait vœu, qui a fait vœu au Christ directement, et pas au pape, qui a fait vœu, qui sait quel est son vœu, et qui sait dans sa conscience, Olivier, on a une sorte de goût spirituel qui nous fait savoir si c'est juste ou pas, on a une sorte d'intuition qui nous fait savoir si on est dans la vérité du vœu, en, si on est invité à table, est-ce qu'il faut se resservir ou non, ça va. C'est, je pense, l'exemple est donné dans la règle du français déjà. Le franciscain peut aller à la table du roi, mais il mangera peu. Donc tout et tout s'adapte à ce. Donc c'est une morale qui laisse un très grand degré de liberté, d'autonomie dans le choix, et qui a été condamnée. Et ses disciples ont été brûlés. En fait, c'est une hérésie qu'on a totalement oubliée, des béguins spirituels du Midi, mais qui a été sévèrement réprimée sous le pontificat de Jean XXII dans les années 1325. Donc, juste pour donner le contexte général de ce franciscain un petit peu hors norme, mais il n'a pas du tout été condamné pour ce traité économique, et qui au contraire me semble être le texte, le témoignage le plus précieux qu'on ait sur une vision d'ensemble, une vision globale de ce que j'appelle cette morale des relations contractuelles. Est-ce que je m'arrête là une seconde avant de rentrer dedans, et je voulais revenir en détail sur la question du risque et de l'industria et de nos finances. Est-ce que vous avez des questions générales sur la présentation initiale? Ça, je peux voir un peu dans le temps. Est-ce que tu as toi des questions sur le panorama? J'ai une question. Vous avez parlé de la phrase de l'évangile en latin. Oui. C'est une traduction du grec. Oui. Qu'est-ce que disait le grec? Quelle était la conception des grecs? Est-ce que vous parlez de traduction? Il y a déjà un problème de traduction. Oui, oui. Écoutez, je suis historien du Moyen-Âge latin. Je ne veux pas, je sais des choses, mais je ne veux pas dire de. Mon savoir est trop limité pour pouvoir l'enseigner dans ce domaine-là. Donc je ne rentrerai pas. Je préfère m'en tenir à ça. Par contre, ce que je peux vous dire sur cette phrase-là, c'est que Olivier est le seul. Non, tous les pères de l'Église ont compris cette phrase dans son sens exact, qui était faites des prêts, je pense que c'est le sens exact aussi, hein, faites des prêts et n'attendez rien en retour. N'attendez pas d'être remboursé. Hein. Rien du tout. Je te prête 100 et j'oublie que je t'ai prêté 100. J'y pense plus. C'est plus après, c'est la donne. Eh oui! Mais c'est quand même, mais je ne te fais pas un don. Non, c'est différent, parce que. Alors, j'explique. Non, c'est très subtil. Ça veut juste dire. Alors, je ne sais pas quel est le sens authentique, absolu. Je sais juste que la tradition des premiers siècles est à peu près unanime à interpréter cette formule dans le sens de faites un prêt comme si c'était un don. On est juste après. Le passage où il est dit si on te prend ton manteau, donne ta tunique. De la même façon, si on te demande un prêt, fais un prêt comme si c'était un don. Fais-en plus. Et à partir d'un pape de la fin du XIIe siècle, dans un texte qui a été intégré justement dans les décrétats, qui est devenu un texte autoritatif extrêmement pesant, il est dit en raison de cette phrase de là, il y a de l'usure. Et donc à partir de là, tous les théologiens ont interprété cette phrase comme étant le signe que le Christ a interdit l'usure. Et l'ont lu au sens, hein, c'est ni inde, c'est ne rien à partir de ce prêt. Fais ce prêt et n'espère rien à partir de ce prêt. C'est-à-dire qu'en réalité, les choses se passent à peu près comme si l'interprétation des canonistes de Mutuum, et disant il n'y a usure que dans le cas d'un Mutuum, associe Mutuum à usure et fait apparaître l'espoir d'un gain à partir d'un prêt est ce qui constitue l'usure. Et donc on interprète ça, on pense l'usure à partir de là. Et donc toute la tradition latine, de cette fameuse école biblique morale ou des théologiens, enfin ou des canonistes de Bologne, tout le monde massivement adhère à cette idée, et il n'y a qu'un seul auteur médiéval qui dise non, cette phrase-là, il n'est pas question d'usure. Et l'auteur, c'est Pierre de Jean-Olivier, justement, dans ce traité des contrats, précisément, parce que c'est une formule qui fait partie des conseils de perfection évangélique. Il dit non, c'est un précepte qui demande d'en faire plus. Ce n'est pas ce qu'on attend de tous les chrétiens. Les chrétiens, il est évident, c'est selon le droit naturel, il est évident que l'usure est interdite, hein, donc l'usure, c'est demander plus en raison d'un prêt. En revanche, là, il est question d'oublier de demander d'être, d'oublier de demander le remboursement. Et ça, c'est un conseil de ce qu'on appelle, enfin, ce qu'il appelle lui, le terme est resté, de surérogation. Hein, c'est une demande supplémentaire qui s'ajoute. Hein, c'est encore mieux de ne pas exiger. Et Olivier est le seul auteur médiéval qui ose faire ça, enfin qui aille jusque-là, et qui revient, et il a tout à fait raison. C'est ce qu'il dit à peu près identique à ce que disait Saint Ambroise sur ce point. Ou même le Vénérable a aussi un passage. Alors que les auteurs médiévaux, à partir du XIIe siècle, l'ont oublié. Et l'auteur suivant qui revient à cette interprétation-là de la formule, c'est Calvin. Et Calvin dit cette phrase, par cette phrase-là, le Christ nous enseigne que nous devons prêter aux pauvres desquels il est habituel de ne pas être remboursé. Voilà. Donc, Calvin comme Olivier reviennent à l'interprétation traditionnelle et l'un comme l'autre secouent un petit peu le premier modèle de façon de l'usure. Une demande de précision. Oui. Quand vous avez fait référence, vous avez dit que vous avez référence qu'à cet hédoniste ou théologien au droit naturel pour fonder l'interdiction de l'usure. Oui. Il fera référence à un droit naturel, et pour eux la nature, ça renvoie à quel type de nature? Alors évidemment, contemporainement, on a bien en tête les débats actuels sur le naturalisme, mais à l'époque... C'est la raison. Ce qu'ils appellent droit naturel, c'est selon la raison. La raison naturelle. La raison naturelle, c'est-à-dire... La raison naturelle, c'est la raison qui n'est... La raison sans la grâce. Ça veut dire que c'est une raison qui n'est pas éclairée par la révélation, par la grâce. C'est tout homme. Aristote parle selon la raison naturelle. Aristote est la voix de la raison naturelle. Alors, c'est sans grâce, sans révélation, sans grâce, sans inspiration spéciale, selon la pure raison, il a formulé les principes de la justice. Hein, donc, le droit naturel, ce sont des règles évidentes pour tout le monde, sans qu'il y ait besoin de s'appuyer sur des textes révélés. Et alors, après, il y a différentes façons de l'exposer. Et la contradiction est évidente, c'est que le recueil le plus clair du droit naturel, c'est les 10 commandements. Qui est révélé. Mais donc Guillaume d'Auxerre démontre, il est le premier, il n'est pas le seul, que les 10 commandements correspondent à des exigences de raison et que naturellement, selon la raison, il est évident qu'il ne faut pas tuer son prochain, honorer son père et sa mère, etc. C'est une nature sociale de l'homme, en fait. C'est une non, c'est une nature rationnelle, c'est la raison, c'est vraiment la raison. Alors après, je ne rentre pas dans le débat parce que justement, il y a entre canonistes, entre philosophes, entre théologiens, des discussions infinies sur qu'est-ce que c'est cette nature, est-ce que c'est ce qui est commun à tous les animaux, et bien non, c'est. Voilà, ça ne peut pas être ça, parce que c'est selon la raison. Donc c'est vraiment une chose qui est humaine. Donc il y a la parole, le langage. À la raison. À la raison. C'est simple, à la raison. C'est avancé au. En deçà encore. Ça part avec, parce que là, pas de raison sans langage. Une raison qui ne peut pas s'exprimer, qui ne se communique pas, est un petit peu amputée de. Les époques veulent fonder la notion d'interdiction de l'usure sur le droit. Sur la raison. Voilà, sur la raison. Et donc Thomas d'Aquin. Olivier font des longues discussions pour expliquer pourquoi, en raison, il est injuste, dans ce cas précis, de demander plus que ce qui a été prêté. Et donc, juste pour anticiper ce point, donc finir sur ce point, en 1312, au Concile de Vienne, un décret a défini qu'il est hérétique de dire que l'usure n'est pas un péché. Ce qui est resté valable. Et il y a eu, on a des cas de procès, pas pour des faits d'usure, mais pour des opinions, des procès pour hérésie. Hein. L'hérésie ne peut être qu'une opinion, il n'y a pas d'hérétique. C'est une transformation un peu bizarre qui a lieu au XIVe siècle, mais notamment pour la sorcellerie de la magie. Mais normalement, une hérésie, c'est une opinion, et une opinion obstinée, contraire à des dogmes. Et une fois qu'on a dit dire que l'usure n'est pas un péché est une hérésie, il y a eu des procès pour hérésie. Et on a un cas un peu terrible d'un juif de Provence qui est traîné devant le tribunal pour l'usure. On dit qu'il a dit que l'usure n'était pas un péché et donc on lui fait un procès. On ne lui fait pas un procès parce qu'il prête à l'usure, on lui fait un procès pour hérésie parce qu'il a dit ça. Et à partir de ce moment-là, des théologiens se sentent beaucoup plus libérés et disent ben non, l'usure, on ne peut pas le prouver en raison. Et donc il y a un autre franciscain très peu connu qui s'appelle Giral Hoth, Wallonie sur latin, qui est actif à Toulouse dans les années 1300. Enfin, un grand théologien d'ailleurs, théologien, mais qui a repris le traité d'Olivier et qui a tout repris d'Olivier, mais qui l'a critiqué sur ce point-là en démontrant que les arguments, en essayant de montrer que les arguments d'Olivier pour montrer que l'interdiction de l'usure pouvait être fondée en raison ne marche pas, et il conclut en disant non, il est impossible de prouver en raison la prohibition de l'usure, c'est un commandement religieux. C'est date mutuum. La question est juste qu'aujourd'hui, dans le débat actuel sur les questions de prêts, d'emprunt et de droit naturel, on entend parfois dans ces débats des arguments mettant en avant une notion de droit naturel et de loi naturelle pour expliquer pourquoi l'entreprise ne va pas avoir tel type de comportement par rapport à tel type de prêt ou d'emprunt. D'où ma question sur le fondement ces arguments sur. Alors, le droit naturel aujourd'hui, le problème, c'est que la confusion, c'est que le droit naturel qui se définissait au Moyen-Âge comme quelque chose qui était avant la révélation ou accessible par la raison sans passer par le texte sacré, est tellement lié dans sa tradition, justement aux traditions religieuses, qu'aujourd'hui, il n'y a que des auteurs religieux qui peuvent faire référence au droit naturel. Hein? Le dernier auteur important qui se rappelait sur le droit naturel, c'est Michel Villet. Michel Villet était pour un retour au droit naturel, parce qu'il était chrétien, mais il avait une philosophie peut-être même catholique. Et c'est un catholique pas totalement assumé dans ses textes, mais totalement en réalité, et qui plaidait pour un retour au droit naturel. Et à Aristote, médié par Thomas d'Aquin. Mais c'est un peu réactionnaire comme position sur, par rapport à l'évolution. Donc je ne suis pas juriste ni philosophe du droit, donc je ne sais pas, mais il me semble que seuls des auteurs d'inspiration religieuse peuvent maintenant parler d'un droit naturel qui exprimerait des exigences religieuses dans un vocabulaire de la raison. Mais c'est pas mon domaine, je ne veux pas faire de philosophie du droit, alors que je suis une historienne linguiste. C'est pas ça, c'est une compétence, ça doit être égaux. Je me recadre moi-même. Je voulais donc, avant d'aborder le traité d'Olivier, vous donner un exemple, parce que il est assez fascinant. C'est le texte de référence sur la question justement du profit financier, qui est cette décrétale navigante. Le Liber Extra, c'est ce premier recueil de décrétales que je répète. Bon, Émile Friedberg a publié à Leipzig en 1878, en deux volumes, les sources du droit canon médiéval. Et un volume, c'est. Le premier volume, c'est le recueil, c'est le décret Tracien, et le deuxième, c'est ce sont les décrétales, et c'est encore l'édition utilisée par tout le monde. Donc c'est la division 5, canon 5, partie 5, chapitre 19, canon 19. Alors, la décrétale est celui qui prête une somme d'argent déterminée à un marchand naviguant ou se rendant de foire afin de recevoir quelque chose au-delà du capital ou du fait qu'il prend sur lui le risque, doit être considéré comme usurier. Alors, chose très amusante, c'est très frappant, un recueil moderne de droit canon a corrigé le texte en mettant « ne doit pas être considéré comme usurier ». Ce qui est amusant parce que, toute la tradition chrétienne s'est bâtie sur l'idée que le risque peut excuser l'usure. Quand il y a risque, il n'y a pas usure. Or là, le premier paragraphe de la décrétale dit exactement le contraire. En fait, elle veut dire le fait qu'il prenne sur lui le risque et qu'il assume le risque, en fait, c'est périculum dans le texte, ne suffit pas à l'excuser de l'usure. Il faut plus. C'est ça ce que ça veut dire, cette formule. Je traduis, j'ai traduit sans vergogne, périculum par risque, du fait que le mot est employé fréquemment dans les contrats en Méditerranée. On a même trouvé la trace à Marseille du verbe risquer, en latin, risquer, c'est-à-dire de risquer son capital, c'est-à-dire investir. Et le mot capital est également employé dans ces textes-là. Vous pouvez aller lire des registres de notaires de Gênes, qui sont très abondants et publiés. Alors, on a le mot capital, on a le mot risque. Voilà, c'est du vocabulaire d'époque. Ce risque ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Deuxième point, celui qui donne 10 sous pour qu'à une date ultérieure lui soit rendu autant de mesures de grains de vin et d'huile. Alors, c'est déjà le problème qui arrive. Normalement, le mutuum, c'est je te donne 10 sous, tu me rends 10 sous. Ou je te donne 10 mesures de vin, tu me rends 10 mesures de vin. Là, il donne 10 sous pour qu'à une date ultérieure, donc c'est un prêt, on lui rende autant de mesures, mais en grains, en vin, en huile. Alors, donc la question, c'est à quel prix, évidemment. Même si elles valent alors, donc, c'est-à-dire à la date du contrat, la date où le contrat a été fait, davantage que le prix donné. Donc, il faut rire ce que j'ai rajouté, parce qu'en fait, il ne faut jamais refaire ça. J'ai repris simplement une vieille traduction que j'avais utilisée dans un article, vous ne pouviez pas le faire. Je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'on donne des explications de ce qui est sous-entendu, on se trompe. Donc, il faut régler ce que j'ai écrit. je pense que c'est faux, c'est exactement le contraire, en bon exemple. Même si elles valent alors davantage, on se demande avec vraisemblance, si l'on se demande avec vraisemblance si elles vaudront plus ou moins à la date du règlement, celui-ci ne doit pas être réputé usurier pour ce fait. C'est jamais très clair ces phrases, ça veut juste dire, hein, même si le prix, même si les mesures de grains, etc., valent davantage, ça vaut 12 sous au moment où tu les rends, même si tu me rends 12 sous, si on avait fixé ça comme contrat au départ, si, alors on se demande avec vraisemblance, c'est-à-dire c'est s'il y a une véritable incertitude sur le prix. Parce que si on connaît les fluctuations des prix et qu'on sait qu'habituellement, à telle période, ça vaut plus cher, et à telle période, ça vaut moins cher, notamment, c'est très, très prévisible, vous pouvez très bien le prévoir. Dans ce cas-là, si on sait par avance, c'est de l'usure. Mais s'il y a vraiment un doute sur la valeur future, même s'il y a un gain qui est fait, hein, c'est une incertitude qui, elle, excuse le risque. Hein, donc c'est le deuxième argument, c'est l'incertitude qui excuse. Mais c'est quoi la différence alors entre les deux? C'est-à-dire que quand il s'agit... Alors, je vais y venir. On va juste passer les trois cas, puis après, pour vous donner l'expliquer. Et après, on verra, de façon très détaillée, comment... Le texte de l'Olivier, le premier extrait que je vous ai mis, c'est la façon dont l'incertitude ou le risque permet tout le monde d'écarter l'usure. En fait, il va refaire un commentaire de la déclaration. Donc, on y en va. Dans le premier cas, le risque seul... Je voulais juste présenter la difficulté. Comment ça se présente pour les auteurs et pour les gens, et même pour les papes. Le pape dit, le risque ne suffit pas, par contre, l'incertitude sur la variation du prix peut suffire. Et troisième élément, en raison d'un même doute est également excusé, un doute sur la valeur future du prix, celui qui vend du drap, du grain, du vin, de l'huile ou d'autres marchandises afin de recevoir en échange, en un terme défini, davantage que ce que ces biens valaient alors, à la date du contrat, à condition toutefois qu'il n'ait pas été sur le point de les vendre à la date du contrat. Alors là, on a une dernière clause absolument cruciale. C'est s'il s'agit vraiment de quelqu'un qui... je me perds, parce que je suis un peu fatigué. Donc celui qui vend, pour celui qui vend à terme, pour recevoir plus... C'est s'il était sur le point de le vendre pour 100 aujourd'hui et qu'il voit qu'il peut le vendre pour 12 à terme dans 3 mois, il fait un arbitrage sur le futur qui est condamnable. Par contre, si c'est en dehors de tout prix, vous savez, l'argument sous-jacent qui n'est pas là, ben c'est la grande difficulté dans ces textes-là, c'est que c'est très bref et qu'on n'a pas toujours l'argument qui est derrière. L'argument qui est derrière, c'est si c'est quelque chose qu'il voulait garder pour lui. C'est quelque chose, c'est il garde. Les exemples après qui sont donnés quand on discute le cas, c'est quelqu'un qui garde pour lui du blé en réserve par précaution. Il veut garder son blé pour lui et il décide, quelqu'un lui demande, lui dit, mais j'ai vraiment besoin de blé maintenant, je ne peux pas te payer, je te payerai plus tard. Donc s'il donne maintenant pour être payé au prix que les choses vaudront à telle date, c'est acceptable, à condition qu'il le fait à la demande de l'autre. Que ce soit donc pas un calcul marchand d'un arbitrage entre deux possibilités, mais de rendre service à quelqu'un qui lui demande. Et donc ça, alors c'est très compliqué, mais ça se comprend uniquement. Hein, le recueil des décrétales a été composé en fait par un dialogue entre le pape et Raymond de Peignafort, qui était un canoniste dominicain. Et c'est vraiment là, c'est une réponse à la question posée par Raymond de Peignafort, et ça se comprend. Enfin, j'aurais pu vous mettre. J'étais un peu trop vite peut-être en choisissant le texte. J'aurais dû vous mettre l'explication que donne Raymond de Peignafort. Enfin, je vais vous la citer parce que ce sera plus simple, on comprendra. Hein, c'est Raymond de Peignafort qui pose des questions au pape pour que le pape lui permette de commenter ces questions. Là, c'est partie des décisions rajoutées au moment de la rédaction du recueil. Non, je n'ai pas tout remis là, mais en tout cas, bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, la question du risque. Le risque ne suffit pas, le risque seul ne suffit pas. Il faut comprendre. Alors la question, c'est de quelle façon le risque peut permettre d'excuser. Et là, dans le problème qui était posé, Il prend ce milieu risque, c'est trop général comme formule. Et Raymond dit principalement, je vais vous trouver le passage correct. Non, je ne vais pas mieux vous trouver. Donc, le mieux, c'est donc je vais poser le texte pour montrer les difficultés et lire après le texte d'Olivier qui explique tout. Ce sera plus simple si je ne vais pas improviser des choses que je n'ai pas prévues. Donc, on va les regarder en détail, finalement, c'est les trois cas qui sont. Oui. En fait, je ne comprends pas la différence entre le premier et le deuxième paragraphe. En gros, il y a usure, si j'ai bien compris. Celle. Si, s'il y a une incertitude sur le prix futur d'un actif de genre vif, hein, que ce soit. Non, non, y a, là, il n'y a pas usure. Il n'y a pas usure. Non, non, il n'est pas usurier s'il y a une incertitude. Exactement. S'il y a une vraie incertitude. Non, il dit, oui. Mais le problème, c'est que sa définition est beaucoup trop. Il faut l'expliquer longuement pour que ça ait vraiment du sens. Et après, tout le travail des camés sera d'expliquer. Le principe, c'est de dire le risque seul ne suffit pas. Dire je prends sur moi le risque, donc je peux exiger n'importe quel profit, ce n'est pas suffisant comme excuse. Donc, il faudra préciser les termes selon lesquels il assume le risque. De quoi il assume le risque? De quelle façon? Et quelle est la rémunération prévue pour ça? Et le deuxième cas, c'est s'il y a une vraie incertitude sur la valeur future, dans ce cas-là, c'est la vraisemblance de la certitude. Hein, si en fait on sait que ça vaudra, il est sûr que ça vaudra plus, c'est l'usure. Mais s'il y a vraiment un risque que ça vaille plus ou moins, si le résultat est vraiment incertain, c'est excusé. Pourquoi quand on prête une somme d'argent, dans ce cas-là, il n'y a plus la notion de la certitude alors. Non, là c'est l'échange entre justement, c'est un prêt argent contre nourriture. Non, c'est là aussi que c'est très compliqué. C'est qu'on est dans un cas d'un prêt. Le moutou consiste en argent, en grain ou en liquide. Mais normalement, c'est un même produit. Et là, on est dans une situation où ce n'est pas le même produit. Donc, ce n'est pas un moutou. En fait, c'en est un, mais c'est déguisé. Là, tout le problème de l'usure, c'est que dans la pratique, les marchands passent leur temps à inventer des formules pour échapper, dire c'est pas un moutou. Et les canonistes, les théologiens, passent leur temps à chercher, les confesseurs, à dire mais si c'est un moutou, vous avez maquillé un moutou. Et donc là, le pape. C'est un cas posé par Raymond Pénafort et le pape répond, dans ce cas-là, sous-entendu, ce n'est pas un moutoum, c'est vraiment une vente à terme s'il y a une incertitude sur le prix. Puisqu'on ne sait pas quel est l'équivalent. On ne sait pas quelle sera la somme équivalente. Donc ce n'est pas, un prêt de 10 contre 10, c'est un de 10 contre un inconnu. Contre une somme inconnue. Ça veut dire que ce qui s'appelle risque, c'est ce qui renvoie uniquement à la durée passée et non pas à la valeur future. Comment est-ce qu'on distingue ces attitudes en fait dans le... On va y venir, justement. C'est pour ça que je vais poser, parce que la question, hein, question 8, dubium, c'est-à-dire question secondaire, c'est question annexe. La question 8 du traité est sur l'usure. Le doute 4, après le doute, a une série de doutes sur les problèmes posés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que dans le deuxième cas, je peux avoir plus, mais je peux aussi avoir moins? Exactement. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'on compense. Comment on ne sait pas et qu'on risque de perdre, dans ce cas, on risque à certitude, marche ensemble. Hein. On ne sait pas et on risque de perdre, donc c'est légitime, s'il y a un vrai risque de perdre. Et de même, là la question, la première chose, c'est que le jeu de l'élite, elle est incompréhensible. Hein, et la tendance des canonistes modernes a été de changer le texte, de dire « ne doit pas être considéré comme jeu de l'élite ». Hein, la formulation telle qu'elle est donnée ici est tellement ambiguë qu'on ne comprend rien. On dirait juste, moi, mon réflexe en fait, le financier aujourd'hui, ça veut dire on a un système d'instruments de taux et donc un système d'instruments à variable finale. Au fond, on a les taux mais le taux n'existe pas, le taux est impensable. Donc, comme je vous l'ai dit, toute rémunération autorisée est une rémunération qui n'est pas calculable. Hein, c'est la rémunération, soit pour un dommage collégial, c'est quelque chose qui est un résultat contingent qui n'est pas prévisible, il n'y a aucune. Donc, comme il n'y a pas de notion d'intérêt, il y a encore moins de notion de taux d'intérêt. Ce qui reste pour moi un problème, c'est le de même. Bien sûr, non mais item, ça veut dire de même, et c'est en outre, en plus, c'est item, c'est de. Ah, c'est pas la même chose, parce que le de même. Mais c'est pas de même. Normalement, c'est de même. Mais est-ce que les conclusions sont opposées? Oui, non, mais c'est un décret qui est, je veux dire, incompréhensible tel quel. Mais si on reprend ça dans l'obligation, on a le point de regard, c'est une obligation à taux fixe variable, évidemment ça va à l'anachronisme, mais en pratique, en termes de flux, c'est une obligation à taux fixe variable, parce qu'on prête un capital, on reçoit davantage, alors on ne sait pas combien, mais c'est davantage. Alors dans le second, ça plutôt, à la limite, une forme d'action, ça veut dire quelque chose, donc on ne sait pas si ça a monté ou baissé. Oui, évidemment, c'est un anachronisme, mais s'il fallait comparer... Oui, bien sûr, ça me sert certainement. Sauf qu'il faut toujours avoir en tête que là, la question qui est posée derrière, c'est les contrats de mutuelle de pré-consommation. Hein, on est sur du... Et c'est ça le fond du problème éthique, c'est l'action éthique, c'est qu'il y a quelqu'un en face. Et je pense que c'est ça la clé de toute l'affaire. C'est que le raisonnement se fait à partir d'un devoir de charité vis-à-vis d'un pauvre, d'un faible, ou juste du prochain en général. On est dans une situation avec quelqu'un en face, et c'est pour ça qu'on doit, peut-être qu'on doit tenir compte de l'autre. Et l'éthique, c'est pas d'assurer. Je pense qu'il n'y a pas autre chose que ça. L'éthique, c'est de tenir compte, c'est d'être dans un rapport à autrui. Et la relation contractuelle étant un mode très particulier de relation à autrui, qui implique que les deux volontés sont libres, de part et d'autre, ou pas, et qu'en outre, il y a des règles qui s'appliquent. Des règles générales prévues. On ne peut pas faire n'importe quoi. On est libre dans certaines mesures et que ça implique toute la communauté et le bien commun. On doit agir. On agit à deux pour le bien commun de la communauté. Donc c'est ça les éléments d'éthique chrétienne qui sont en arrière-plan. Mais c'était juste à proposer des problèmes. Je vois que ça marche. On ne peut pas se dire que dans le paragraphe 1, on pourrait, par anachronisme, poser un taux d'intérêt, même si évidemment ce n'est pas pensé comme ça à l'époque, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à une rémunération qui va devenir partir de la capitale donnée. Dans le second, c'est plutôt le rendement. On va résoudre le problème, on va le lire les trois quarts, parce que Olivier donc, reprend et le dit autrement, et traduit par des cas plus concrets les situations. Hein, de quelle façon l'incertitude ou le risque écarte ou le mesure? Et il dit, à chaque fois qu'un capital est remis à quelqu'un, j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi c'est important le capital pour lui. À chaque fois qu'un capital est remis à quelqu'un, l'apporteur étant certain qu'il lui sera toujours intégralement rendu quoi qu'il arrive, l'incertitude du profit ne suffit pas. Il explique la première clause comme étant si le risque porte uniquement sur le risque du résultat. Si le capital est assuré, si le capital est garanti, s'il n'y a pas de risque sur le capital, mais uniquement un risque sur le profit, cela ne suffit pas. Donc c'est comme ça qu'il comprend la première clause. Ça marche. Pardon ? Les subprimes, ça marche. Parce que pour les subprimes, c'est le terme justement, on ne sait pas si c'est un prononcé ou non. Oui, ça peut être. Sauf que les subprimes sont faits, c'est des contrats fondés sur la cruauté et non pas sur la charité. Ah. Donc c'est ça qui est ruine. Mais non, mais c'est important d'avoir ça. C'est pour ça que les concepts se priment sur les modèles. Et c'est bien ça la question des subprimes. C'est un contrat cruel qui est donc absolument intolérable. Mais même si le mécanisme permet d'échapper en apparence. C'est pour ça qu'il faut revenir, effectivement, ne jamais oublier qu'est-ce que c'est à la base de l'usure, et que l'usure, c'est bien cette question de la charité qui est en cause. Donc, le premier cas, c'est l'incertitude du profit ne suffit pas. Donc, exemple, c'est pourquoi, si tu dis, je te remets 10 sous qui devront absolument m'être rendus, si tu en retires un profit, tu me donneras telle part du gain, ou autant qu'il te plaira, si tu ne gagnes rien, tu ne me donneras que le seul capital. Il y a ici usure manifeste quant à toute la part du gain obtenue au-delà du seul capital. C'est extrêmement clair. Le risque doit porter sur le capital pour être une excuse valable. Donc c'est comme ça qu'il comprend que c'est ça. Le prêteur prenne le risque de perdre. Le prêteur doit perdre le risque de perdre son capital, pas simplement de perdre ou de ne pas... C'est une obligation risque de défaut, on dirait ça aujourd'hui. On dirait une obligation risque de remboursement. Oui. Là, effectivement, l'idée qui est derrière, c'est... ce qui est bien, c'est de ne pas être remboursé du tout. C'est ça le... C'est le remboursement. Donc, deuxième élément, il ne suffit pas non plus qu'il y ait quelques... Alors, quel sens ça veut dire ? N'importe quel risque du capital. Hein, c'est un risque très bien, mais pas n'importe lequel. Par exemple, si l'on remet 100 à un marchand qui voyage par mer... Et là, vous avez exactement le naviganti, on voit bien, c'est vous. À la condition que, si le navire fait naufrage, le marchand ne soit pas tenu de rendre le capital, mais s'il perd dans ses opérations commerciales, il rendra tout le capital, et s'il gagne, il donnera une part du profit. Il y a en effet usure, comme il est dit au Liber Extra, au chapitre des usures, naviganti. Donc c'est-à-dire que l'usure, Le risque doit porter pas uniquement sur le risque du voyage, mais également sur le risque commercial. Je vais l'expliquer juste après, vous verrez, c'est assez fort. Et donc, dernier cas, et si celui qui prête 100 mares, donc le mar c'est l'unité qu'il emploie, c'est des petits lingots d'argent, à un autre, voulait en obtenir quelque chose en plus, au motif qu'ils ne sont pas aussi sûrs que s'ils les conservaient dans un coffre, et qu'au contraire, en les prêtant, ils les exposent à de nombreux risques, par un tel risque, il n'est pas excusé de l'usure. Il y a une mauvaise excuse, ça ajoute absolument pas grand-chose. Et donc, la raison fondamentale, dans tous ces cas, est que pour faire disparaître l'usure, le risque doit porter, pour celui qui en tire profit, tant sur la propriété que sur l'usage de la chose soumise au risque. Et là, on va rentrer dans des distinctions juridiques sur la propriété et l'usage. Donc, avant de tout cela, je voudrais juste signaler un point qui est aussi très important. C'est pourquoi il emploie le mot de capital, cette situation de capital. Hein, comme je vous l'ai dit, capital, c'est un mot d'usage courant dans les opérations financières, commerciales, en Méditerranée à cette époque-là, et vraiment dans le sens de ce que le marchand sédentaire va apporter à un marchand qui fait le voyage. Hein, c'est une division du travail. Parfois, c'est la même compagnie, parce qu'il y a des accords de compagnie, hein, et le patron envoie quelqu'un, mais parfois ça peut être toutes sortes de choses, on a toutes sortes de situations où les gens peuvent investir des parts dans un bateau et chacun apporte un bout du capital et il y a beaucoup de distinctions et des contrats qui sont faits entre celui qui va faire le voyage et celui qui reste. Le voyage, donc, c'est écrit depuis Narbonne, les deux grands cycles sont d'un côté le voyage vers la Méditerranée orientale, y compris jusqu'à la mer Noire, hein, puisque les Génois sont installés dans des comptoirs tout autour de la mer Noire, ou le Levant, ou Chypre, voire l'Égypte. Et l'autre grand voyage, c'est du Midi vers Paris et les foires de Champagne. Et où, à Narbonne, en fait, les Narbonnais ont une situation, sont pris sur une force sur le marché du drap en Espagne. Donc, c'est autre chose, c'est un plus petit voyage. Mais les deux grands voyages, c'est vers l'Orient et vers Paris, et souvent donc faisant l'intermédiaire entre les deux. Donc ça veut dire qu'on est dans un cas qui est tout à fait différent du Moutoumou. Et une des très grandes forces et originalités de ce traité, hein, qui est très différent de ce qui s'écrit à Paris par des théologiens qui, étant à l'université, sont un petit peu déconnectés du milieu commercial, lui écrit en tant que, pas forcément confesseur lui-même directement, mais il écrit pour ses frères qui sont eux-mêmes des confesseurs de marchands. Donc il est en prise directe sur les pratiques locales. Et il a besoin de réfléchir et de fournir des règles pour que les confesseurs puissent dire aux marchands ce qui est correct ou non. Donc il y a vraiment un devoir d'être précis et de réfléchir sur les termes exacts. Alors qu'à Paris, on est plus dans l'abstraction et on peut avoir des règles générales en sens, parce que ce sont beaucoup moins de l'application. Notamment qu'on a à l'époque Henri de Gaulle, qui est un autre grand personnage qui, pour des raisons très fondées, a voulu déclarer illicite un contrat que tout le monde pratiquait à l'époque. Il a créé un petit scandale, parce qu'il était un maître en théologie qui n'avait pas une charge d'âme. Voilà. Donc on est dans des situations ici de contrats, donc ce qu'on qualifie par le capital, ça veut dire des situations dans lesquelles l'argent n'est pas simplement de l'argent, on verra un peu plus loin, hein, c'est de l'argent destiné au commerce, de l'argent ou des marchandises, hein, destinées au commerce, qui est autre chose que simplement de l'argent qui peut être échangé, prêté, et donc on n'est pas dans une situation où il peut y avoir un moutoum. Hein, le moutoum, c'est vraiment autre chose. Et alors ça, lui ne le dit pas, mais moi, comme historien, c'est ce que je comprends. Le moutoum, c'est ce qui se pratique dans la ville. Alors, le traité est écrit vraiment en pensant à des communautés. Le mot communitas vient tout le temps dans les premières questions. Et c'est vraiment la morale civile d'une communauté, qui est une ville. Oui, c'est Narbonne ou Montpellier. Et le moutoum, c'est ce qui se fait, c'est la charité qui se pratique dans la communauté, alors que le commerce, où l'argent est traité comme capital, c'est les sommes investies dans ce commerce. Commerce lointain. Hein. C'est très important d'avoir ça en tête, sinon on ne comprend rien, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a la question de l'articulation entre les deux qui va compter. Donc voici pour le cadre. Donc la raison, si on en revient. Donc maintenant, ça vous allez être un peu plus difficile. Donc le risque doit porter aussi bien sur la propriété. C'est avec un bien, puisque c'est avec son propre bien que l'on va s'enrichir et non pas un bien qui appartient déjà à autrui. faut, donc il y a une clause importante, c'est il faut que dans le risque, on conserve la propriété du capital qui est engagé, d'une certaine façon. Mais également par l'usage, car l'usage du bien dont provient le gain doit demeurer le sien de façon immédiate ou médiate. C'est là que c'est un petit peu étrange, c'est comment le marchand sédentaire peut garder l'usage du capital qu'il engage. C'est-à-dire en gardant en fait une responsabilité dont il est question. Donc alors, c'est pas très clair, malheureusement c'est pas très clair, mais je l'expliquerai mieux après. Or, à chaque fois que dans l'acte même de commercer, le risque des marchandises ou de l'argent relatif à l'acte de commercer, je traduis de façon littérale pour ne pas, on dirait le risque commercial tout simplement, mais c'est. C'est sûr, dans l'acte même de commercer, pour bien dire, pour bien marquer cette situation. Donc, le risque commercial des marchandises ou de l'argent ne revient d'aucune façon à leur premier apporteur, mais seulement à celui à qui ils ont été remis. Alors, de ce fait, leur usage de propriété quant à ces actes commerciaux ne revient qu'à celui au risque de qui il court. Un bien n'est en fait perdu que par son possesseur, et perdre signifie au sens propre la même chose qu'être privé de son bien. En fait, il veut dire par là que si tout le risque commercial est assumé uniquement par le marchand qui voyage, et que donc il n'y a plus aucune médiation, en fait, plus rien ne relie l'investisseur avec le commerçant, l'investisseur n'a plus aucune. Usage média, et cet usage média, en fait, c'est une responsabilité sur le choix des opérations commerciales. C'est-à-dire que si on dépose des marchandises ou de l'argent sans donner d'instruction, il suffit qu'on donne une instruction. C'est dit mieux, plus clairement ailleurs, mais elle est vraiment présente à l'arrière-plan. Enfin, c'est la seule explication logique qu'on peut y trouver. C'est l'investisseur doit donner des instructions au marchand. Si le marchand fait les opérations de son propre chef, c'est lui qui prend les risques, c'est lui qui les assume, mais dans ce cas-là, rien ne doit revenir à celui qui l'a apporté. Voilà. Donc pour que celui qui a investi puisse, au titre du risque, bénéficier d'une part du profit, il faut qu'il ait assumé effectivement ce risque commercial. Alors Olivier, c'est même très intéressant pour un historien, il dit. En fait, le risque de perdre dans le voyage est beaucoup plus faible que le risque commercial. Il dit on perd beaucoup moins souvent une chose dans le voyage que dans le commerce. Ce qui donc, les routes maritimes étaient sûres, même terrestres. Enfin, les bateaux faisaient du cabotage, on ne traversait pas la mer. On allait de port en port en longeant la côte. Et le risque de perte par naufrage de bateau est beaucoup plus faible que le risque de perte commerciale, que l'opération ne rapporte rien. Donc il faut être vraiment impliqué dans l'opération, et impliqué dans la décision, et effectivement, quand on regarde les contrats, le nom du contrat que Olivier Mantovan, qui est le nom vernaculaire, c'est la commande, la commanda. C'est ce contrat de commande dans lequel il y a bien une commande qui est donnée par l'investisseur, celui qui apporte le capital, qui commande d'aller quelque part, de faire quelque chose avec l'argent. Et c'est parce qu'on a donné une instruction qu'on conserve un usage média du bien, de la somme risquée. Je ne sais pas si c'est clair comme. J'ai une question. Est-ce que ça veut dire quand même que si celui qui a donné, ou prêté, n'a pas de risque là-dedans, ça veut dire qu'il est sûr de toute façon, quel que soit ce qu'a donné la transaction commerciale, que lui, il récupérera ce qu'il a donné. Ah, mais c'est pas bien ça. Il doit pas. Non, le risque doit porter aussi bien. Le risque doit porter sur le capital. Le risque pour que l'usure soit évacuée, il faut que le risque porte aussi bien sur la propriété et sur l'usage. La propriété, ça veut dire sur le capital engagé. Il faut que ça porte sur le capital engagé et sur l'usage qu'on en fait. Oui, non, mais si moi j'ai prêté, oui, et que considère que je n'ai pas risqué, moi prêteur, je n'ai pas risqué, ça veut dire. Vous n'avez droit à aucune rémunération. Non, j'ai pas droit à une rémunération, mais je suis sûr que je serai remboursé. C'est ça que oui, je comprends. Je ne prends pas le risque commercial. Mais si vous mettez à la place du verbe prêter, qui est un problème, si vous mettez confier. Tout dépend après de là. Alors après, la question, c'est de la responsabilité. C'est-à-dire, est-ce que la perte est due à la responsabilité du marchand ou non? Mais si la perte n'est pas due à la responsabilité du marchand, vous avez la part qui reste et vous perdez aussi au capital. Mais ça ne se fait pas. C'est-à-dire que c'est des contrats qui sont prévus dans lesquels on investit pour avoir une part du profit. En fait, ça veut dire aujourd'hui un fonds d'investissement, ça veut dire private equity, non coté, et investi dans l'entreprise non coté, un ticket, comme on dit, de 10 millions d'euros ou 30 millions pour accompagner l'entreprise dans son développement sur 6, 7, 8 ans, et après évidemment en sortir, et dans une situation où au fond, il risque de tout perdre, puisque son entreprise est faillite. Voilà, c'est exactement cette situation-là. Oui. C'est le non-côté, c'est le problème de ça. Et on est dans une situation où effectivement, on part. Alors, il y a plein de cas qui sont posés. Enfin, je vous ai juste pris quelques exemples. C'est le non-côté. Bah, vous pourrez le dire si le traité sort, quand il va finir, si ça paraît au mois de mai-juin, vous pourrez lire la totalité. Mais non, c'était juste ici pour vous montrer c'est cette idée que, enfin, comment se comprend cette décrétale bizarre. Et elle veut dire ça, que le risque doit porter, pour que le risque excuse l'usure, il doit porter sur le capital qui est prêté et sur le risque commercial. Alors, il explique très bien le risque commercial, c'est ça l'élément crucial. Et si on se contente de prêter, alors c'est sinon on tourne dans le phénos. On a cette situation où c'est un contrat de droit romain que les médiévaux rejettent, enfin que les auteurs catholiques chrétiens médiévaux rejettent, c'est un prêt commercial dans lequel on investit pour un profit assuré, pour un pourcentage annoncé d'avance. Et là, il faut, pour avoir la part du profit, il faut qu'il y ait risque sur ces différents éléments et risque commercial. J'ai quand même question ici, quand il dit à l'avant-dernière, oui. Un bien n'est en effet perdu que par son possesseur. Le possesseur, c'est le marchand. C'est le marchand itinérant. Ben oui, donc il est le seul à avoir perdu. Donc moi, je récupère ma mise. Mais non, là, si c'est perdu, c'est perdu. Vous l'avez perdu aussi. Vous l'avez. Non, mais c'est les... Oui, bien sûr, non, mais là il n'y a pas effectivement. Je peux bien la difficulté, mais il est bien. Bon, la chose est reprise ailleurs, il y a d'autres types de contrats qui sont évoqués. On voit très bien que la question est la part. Non. S'il y a une sécurité. Non, mais c'est dit avant. C'est dit avant, c'est dit juste avant. Voilà. C'est à chaque fois qu'un capital est remis à quelqu'un, l'apporteur est certain qu'il sera intégralement rendu quoi qu'il arrive. Voilà, ça ne suffit pas. Ça ne va pas. C'est le premier cas qui a été posé, qui est refusé. S'il y a une certitude de retrouver ce qu'on a investi, mais on n'investit pas sans vouloir une part du profit. Oui, mais d'accord, mais on n'est pas dans un boulot. C'est pas totalement illogique. C'est-à-dire que j'ai pris aucun risque. Parce que j'ai la certitude que je pars. À chaque fois qu'un capital est remis à quelqu'un, l'apporteur est en certain qu'il lui sera toujours intégralement rendu. Oui. Je vous remets de l'argent. Oui. Je sais que si vous le perdez, vous prendrez par d'autres réserves, mais vous allez me rembourser. Non, mais ça, c'est pas autorisé. Non, mais c'est pas. Mais je demande pas. Non, mais je comprends la limite qu'on dise que je ne demande pas de terrain. Je cours aucun risque. Oui, oui. C'est juste un différé de mon argent. Mon argent, au lieu d'être dans un coffre, je vous le passe. Mais je serai sûr que dans deux mois, je serai remboursé. Oui, oui. Donc, le contrat est usuraire. Non, mais s'il y a une certaine. Ok, pour comprendre. Non, mais c'est pas. C'est bon. C'est un cas qui n'est pas posé dans le texte. Donc, je dois inventer une solution. Il n'y est pas. Et ce que je ne devrais pas faire. Mais selon ce qui est dit. Sur les règles qui sont énoncées, ça veut dire, vous avez même si vous ne vouliez pas de profit, vous vouliez avoir une certitude de retrouver votre argent. Alors toute la question dépend de quelle intention procède votre chose. Si c'est charitablement parce que moi, j'avais tellement besoin que je vous ai supplié de me donner cet argent-là pour faire cette opération-là, je suis tenu de vous rendre tout, effectivement. Hein. Si vous l'aviez fait dans l'espoir que je vous donne une partie du profit, dans ce cas-là, non. Voilà. Donc c'est là où la question, hein, le conflit, c'est les règles de ne pas compter, c'est de revenir à quelle était l'intention dans laquelle l'action a été entreprise. Mais c'est bizarre d'investir sans vouloir une part de profit dans une opération risquée et de dire je vais tout récupérer. Il faut comprendre quelle est la raison. Comme c'est pas normal comme attitude, soit c'est charitable dans ce cas-là. Si vous avez sacrifié quelque chose pour moi, je vous dois le remboursement. Un débat, c'est certain. Si derrière il y avait une intention de profit cachée, non exprimé, eh ben non, je vous considère comme un investisseur, et donc mon professeur ou votre professeur va requalifier le contrat. Ça se passe comme ça. On prend des coups, on voit très bien comment fonctionnent les choses. Le professeur voit arriver devant lui, soit le marchand, soit enfin, une des parties, qui expose le cas, et le professeur doit avoir les moyens d'analyser et de requalifier le contrat. Ce contrat-là, qui ne rentre pas dans la typologie simple que j'ai, en fait, il est composé d'une partie c'était un prêt, une partie c'était autre chose. Et alors, la règle qu'il donne, c'est qu'il faut analyser un contrat complexe en le divisant en ses différentes parties, et si dans ce contrat il y a une partie qu'on peut analyser comme un prêt, et si une autre partie comme une location, et la, en raison de la partie qui est un prêt, un avantage est donné au prêteur sur l'emprunteur, c'est de l'usure. Le prêt doit être gratuit, ne procurer aucun avantage à celui qui prête. Et si on peut identifier dans un contrat complexe une partie qui est un prêt, en raison duquel il y a un avantage donné, c'est de l'usure. Donc dans notre situation-là, qui est bizarre, si en réalité c'était une intention d'obtenir quelque chose, un avantage, pas forcément pécuniaire d'ailleurs, c'était de l'usure et on n'est pas tenu de rembourser tout. Mais on voit, et le confesseur dira, on rembourse telle ou telle partie, voilà. Sauf si c'est prévu dans une clause qui le prévoit. Mais sinon, la différence qui est faite, c'est aussi celle de la responsabilité, si c'est à cause du marchand, hein, si le marchand a fait une erreur, s'il n'a pas respecté les instructions, parce que là, c'est sa responsabilité entière, s'il a commis une erreur manifeste, hein, c'est sa faute, et donc on lui impute la perte. Mais si ce n'est pas de sa faute, c'est juste parce que la conjoncture était mauvaise, etc. L'opération a raté, c'était un pari risqué, raté. Les pertes sont partagées. Est-ce que... Alors, juste pour clarifier, j'ai un autre texte, enfin, la suite, Olivier prend un cas beaucoup plus précis et qui me paraît extrêmement intéressant parce que, donc on est juste quelques... on est à peu près 15 ans avant les premiers contrats d'assurance répertoriés. Qui sont inventés à Pise, et on est juste avant, et on a un mécanisme qui est exactement le mécanisme par lequel seront inventés les contrats d'assurance, sauf que ça fonctionne à l'envers. Et la question, ce n'est pas de s'assurer contre une perte, c'est d'acquérir par avance une part du profit. Alors, le problème, c'est que c'est. Donc, il y a certains types de contrats où j'ai pu retrouver, ben, un cas précis d'un contrat un peu tordu, où j'ai pu retrouver un exemple local. C'est celui d'un prêt. Alors, l'exemple précis qu'on a, c'est un prêt fait à la commune de Narbonne par un marchand et qui dit donc c'est un prêt qui est donné avec la rémunération qui sera celle de telle opération précisément nommée. C'est très intéressant dans le cas parce que c'est. Et effectivement, on voit le marchand, enfin le bourgeois narbonnais, qui vient 3 ans après disant voilà, telle opération qu'on avait nommée dans le contrat de commerce avec Paris. Est revenu et a un taux de profit de. Je crois que c'était assez élevé. Je peux penser quelque part. Et on voit donc la ville de Narbonne, la commune de Narbonne, accepter et payer un intérêt qui est exactement le profit réalisé par telle opération. L'argument sous-jacent était le marchand aurait pu investir son capital dans une opération similaire, avoir le même profit, et il a renoncé à son profit pour satisfaire à la ville de Narbonne qui lui a donné l'argent. Et donc la commune lui paye l'intérêt qu'il aurait pu gagner. Et Voyage de France, et c'est. Voilà, il a un gain de 54 livres, 12 deniers. Pas mis de calcul, là. Je vais mettre du calcul. Je crois que c'est 30%. 30% sur 3 ans, c'est pas énorme. Voilà. 30% sur 3 ans. 30% sur 3 ans. Non, mais pour une opération commerciale. Ah oui, non, mais pas pour le profit du prêt, oui, mais pas pour l'opération commerciale, non. Sur le plan d'investissement aujourd'hui dans le nouveau pays, en général, les rendements qu'on attend en acceptant de risquer, justement, de perdre l'investi, dans les fonds de premier outil, c'est justement de l'ordre de, on s'appelle, de 20 ou plus pour 100 par an, en fait. C'est justement. Non, mais là, c'est. Là, voilà. Non, mais là, c'est très différent. C'est un prêt, on ne sait pas, on ne connaît pas les conditions, est-ce que la ville a demandé, est-ce que c'est un prêt forcé? C'est une chose très souvent, les villes où les princes forcent les bourgeois riches à prêter de l'argent pour assurer les finances. Et en fait, c'est des mécanismes qui permettent quasiment d'assurer une rémunération élevée à ces prêts forcés. Mais donc là, c'est un cas précis, et le théologien doit traiter, on lui pose la question, et il doit traiter la question, et il donne une justification, il n'est pas très très sûr que ce soit tout à fait... très correct dans ce cas-là. Mais il détend bien que c'est une opération très spécifique, hein, qui est bien nommée, on nomme quelqu'un, on nomme une opération, on dit c'est le même profit que celle-là. Voilà. Et donc la raison pour cela, c'est la distinction qu'il fait entre argent et capital, puisque l'argent, alors, il le justifie par cette notion-là, le capital, l'argent qui est destiné à une opération commerciale, à l'argent que le marchand en question a prêté à la ville, ce n'était pas de l'argent simple, c'est de l'argent qui était destiné à produire un profit commercial. Et le profit commercial donc, est légitime, là, profit légitime. Et donc c'est à ce titre-là qu'on lui doit. Alors ça, c'est l'un des titres extrinsèques les plus débattus, hein, dont je vous ai expliqué ces pénalités, etc. La question du dommage causé, ça tout le monde l'accepte. Le point que Olivier développe ici, n'est accepté que par très peu de gens, c'est celle du profit, enfin du manque à gagner. C'est un manque à gagner. Il a un capital commercial auquel il renonce pour un prêt charitable, tout simplement politique, hein, prêté à la ville. Et donc le manque à gagner doit lui être compensé. Et idem, c'est, si c'était un simple individu qui demandait un mouchoum et que quelqu'un renonce à une opération avec un capital pour en faire un prêt avec lui. Donc voilà la situation. Alors, je ne sais pas si on voyait en détail ce cas, ou est-ce que je passe à autre chose, ou un petit peu plus généralement. C'est un cas qui est très très intéressant parce qu'on voit apparaître beaucoup de notions importantes. Donc, c'est un cas dans lequel le capital court dans le commerce au risque de l'apporteur, de sorte que tout ce que le marchand perd en commerçant ou d'une autre manière, mais sans commettre de faute, un marchand qui fait le voyage, tout ce qu'il perd est imputé à celui qui a apporté le capital. Son profit est pourtant fixé et certain. Car, et on l'a écouté bien, lisez bien cela, le marchand à qui il a remis ce capital lui a acheté la cause du profit futur de ce capital pour un prix équivalent à la probabilité du gain futur tel qu'elle peut raisonnablement être estimée avant que le gain se réalise. Ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment l'usage d'une probabilité que l'on fait, que l'on croit émerger à la fin du XVIIe. C'est bien pour ça que je vous ai pris. C'est le passage le plus génial du texte, le plus frappant de ce point de vue-là. Et donc, c'est une vente. Alors, en réalité, je vous disais, c'est à peu près c'est l'envers de ce qui sera inventé comme le contrat d'assurance, parce que le contrat d'assurance, hein, c'est on verse une prime pour se garantir contre le risque de perte du capital. Mais c'est exact, ça fonctionne de la même façon. Ça, c'est une action d'achat, c'est un cours. On achète la cause d'un profit. Oui. On achète en fait, on a remis quoi sur le cas, une situation. Mais on l'achète pour un prix certain et fixé. Oui, ça fait pas. Comme le coach. Comme le coach, un prix certain. Voilà. Alors, il semble à certains qu'il y ait ici usure pour quatre raisons. Donc, vous écoutez les raisons. Mais il donne sa position à lui. Il semble toutefois à d'autres qu'il n'y a ici aucune usure dans ce contrat, à moins qu'il ne s'effectue selon une intention particulière et frauduleuse d'usure. Hein. On y regarde toujours, c'est à condition, attention, on analyse la forme du contrat, mais tout dépend de l'intention dans laquelle le contrat est fait. Et un contrat qui peut sembler licite, s'il est fait dans le but d'abuser de la faiblesse de quelqu'un, c'est toujours ça le problème de fond de l'usure, c'est l'abus de position, l'abus de force, il y a usure. Donc, il n'y a aucune usure. Alors, alors l'usure serait de sorte que ce capital ne serait pas véritablement remis en tant que capital, mais plutôt comme un prêt et en vue d'un profit usuraire. Hein, si on fait semblant d'avoir monté une opération en capital et qu'en fait on maquille un simple prêt de consommation fait pour subvenir à quelqu'un qui est dans le besoin, et qu'on maquille ça d'une opération complexe en faisant semblant qu'avec l'argent qu'on lui prête, il ira faire du commerce alors qu'on sait très bien qu'il n'en fera pas. Et on lui demande après le profit qu'il n'a pas fait. Ça, c'est l'usure. Hein, c'est vraiment inacceptable. Mais qu'il n'y ait pas ici d'usure, c'est classique, Olivier parle presque tout le temps de lui, enfin, il présente ses opinions à la troisième personne. Il le prouve d'abord à partir de ces trois éléments concurrents. Le premier est le risque de ce capital, qui, durant toutes les opérations marchandes qui en sont faites, et même absolument, court ici au risque de l'apporteur et non au risque du marchand, à moins que ce dernier ne le perde par sa négligence coupable ou sa mauvaise volonté. Or, il est certain que ce capital doit profiter à celui au risque de qui il court directement. Donc, le marchand, l'investisseur, vend par avance le profit qu'il va faire. Mais il conserve le risque en capital. Hein, il a vendu la part du profit qui lui revient par avance. Donc, il a investi un capital, il a touché de l'argent. Il a touché sa part de profit. Il a touché par avance sa part de profit probable, mais il conserve le risque au capital. Donc s'il y a une perte en capital, c'est lui qui l'assume. Le deuxième élément, écoutez, ça c'est une formule assez hallucinante. Le deuxième est la valeur de la probabilité appréciable ou de l'espoir probable de gain qui pourrait être tiré de ce capital par des opérations commerciales. Du fait que cette probabilité possède une certaine valeur appréciable par un certain prix temporel, elle peut donc être licitement vendue. C'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Et le latin, cette probabilité, qu'est-ce qu'il dit dans la probabilitas. Probabilitas, donc c'est bien une probabilité. Non, oui, c'est un plus ou grand moins degré d'incertitude quant au résultat final. Il n'y a pas du tout de notion de calcul de probabilité derrière ça. Pas du tout. Donc cette probabilité, alors l'idée, il y a deux choses. L'une, la première chose qui est très frappante, et ça tient à son épistémologie personnelle aussi, il y a bien des éléments qui ne sont pas du tout. Ah, c'est vraiment là un passage qui est totalement hors du commun. Hein, de là. C'est la pointe la plus moderne, si vous voulez, de la scolastique. L'idée de penser que la probabilité existe par avance, qu'elle peut être pensée par avance. Hein, alors dans ces mêmes pages, juste avant, Olivier a démoli la règle de la vente de temps. Il dit c'est absurde de dire que dans l'usure il y a une vente de temps, parce que c'est confondre le temps et la durée, et que les choses. C'est le même mot tempus, hein, mais il dit, c'est pas le tempus en tant qu'un quelque chose de commun à toutes les créatures, le quid commune, quelque chose qui est commun, qui est la condition d'existence de toutes les créatures, c'est là le temps spécifique d'une chose spécifique, hein, le temps propre d'une chose particulière. Et dans tout contrat, le contrat portant sur la propriété d'une chose porte sur la durée de cette chose en même temps. Et donc l'argent est une chose qui a une durée, un contrat de prêt de l'argent pour 3 ans implique une durée de une propriété d'une durée de 3 ans sur l'argent. C'est pas un vol de temps qui appartiendrait à Dieu. Donc il liquide ça. La question de la temporalité est très très présente dans tous ces doutes. Et c'est pour dire qu'on a une maîtrise de la temporalité, une maîtrise des opérations futures. Qui a un arrière-plan théologique chez lui aussi, qui est assez intéressant. Il y a même plusieurs arrière-plans théologiques. Il y a ça pour un autre séminaire, dans un autre cadre. C'est la théologie de l'histoire qui est derrière, qui est passionnante. Et une vision de l'Apocalypse, d'une révolution de l'Église et d'une durée longue, d'un âge de paix après la chute de l'Antéchrist. Et ça, c'est pas directement impliqué dans cette affaire. Par contre, la deuxième phrase est fondée sur quelque chose qui est aussi un élément de droit canon que je trouve absolument crucial. Donc, le point qui est tout à fait extraordinaire, là, c'est une pensée du droit canon et du droit des premières générations de canonistes du XIIe siècle sur la question de la simonie. La simonie, qui était la grande affaire fin XIe, début XIIe, c'était la vente des bénéfices ecclésiastiques, la vente des sacrements. Et donc, ça a amené les théologiens à définir ce qui est inappréciable. Il y a des choses qui sont inappréciables. Par contre, il y a tout ce qui est appréciable. Donc, ce mot appréciable va s'entendre à l'arrière-plan. Hein, et tout ce qui est appréciable peut être vendu. Et donc, par définition, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'inappréciable, c'est-à-dire de la grâce divine, des sacrements, peut être vendu. C'est gigantesque comme champ qui est ouvert. On pense souvent que les médiévaux ne vendent pas grand-chose. Au contraire, il y a la pensée canonique autorise l'appréciabilité et du coup la commercialité de tout ce qui est appréciable. Tout ce qui a une valeur peut théoriquement être vendu. Et le mot valeur est un néologisme médiéval, n'existe pas en latin classique, c'est une invention qui apparaît au milieu du XIe siècle. Ça a vraiment le même sens, et les choses ont une valeur. Et on pense que la valeur des choses, et on pense que les choses peuvent recevoir un prix, être appréciées, appréciables. Et tout ce qui peut être apprécié peut être vendu. J'ai pas trouvé la source encore de ce dictum, mais Godefroy de Fontaine, qui est un théologien parisien de la même époque, utilise le même argument, tout ce qui peut recevoir un prix peut être vendu. Alors le troisième élément, cette probabilité est vendue à un prix moindre que ce qu'on croit que vaudra en son temps le profit futur du commerce fait de ce capital. Évidemment, on vend aujourd'hui l'espérance de profit, si on a une espérance de profit de 30 au bout de 3 ans, ben on va le vendre aujourd'hui pour 20. Et il est certain que dans cette vente, on croit toujours que l'acheteur sera probablement gagnant au bout du compte ou qu'il obtiendra davantage que ce qu'il a donné en achetant. Hein. On pense toujours que celui qui achète le profit, donc le marchand qui va partir en voyage et qui achète le profit du capitaliste, de l'investisseur, pour 20, on pense qu'il fera 30. On pense qu'il fera plus que le prix pour lequel il a vendu son profit futur. Donc on pense qu'il sera gagnant. Et donc, il n'y a pas d'abus de position de force de la part de l'investisseur. Hein, et ainsi, tant le capital que le gain principal et final du capital courent au risque de celui qui l'apporte. Il n'y a donc ici aucune usure. Alors l'argument est un petit peu tordu quand même, j'en conviens. Ici, on comprend le risque court, enfin le capital court au risque de l'apporteur, enfin le profit ou le gain principal court au risque de celui qui apporte le capital, au sens où le capital, enfin le profit futur est risqué et il en a moins que le profit total. C'est pas, c'est-à-dire, il n'a pas la totalité du profit, il a un risque. Bon, c'est un argument pour nous qui ne tient pas vraiment, donc j'ai du mal à voir comment il tient. Mais je pense qu'il veut dire par là que le. C'est surtout enfin, la phrase précédente hein, qui veut dire que le profit étant. Enfin, le prix d'achat du gain futur étant moindre que ce qu'on croit, ce qu'on imagine. Il y a toujours cette question de quelle est la valeur future envisagée et le fait qu'on achète pour moins cher. Alors là. Cette phrase est une allusion à un texte que je n'ai pas mis, mais qui est le double suivant, le doublium 5, qui explique que les choses futures ont une valeur moindre. Plus les choses futures sont éloignées dans le temps, moins elles valent cher. Une loi décroissante, une question d'actualisation qui est présente également. Quand on achète aujourd'hui des choses futures, soit les fruits futurs d'une chose existante, enfin les fruits qui n'existent pas encore, donc si on achète, il fait référence à un contrat très commun qui est l'achat sur pied, hein, l'achat des récoltes sur pied. Si pendant l'hiver on achète le résultat des moissons et des vendanges, on peut les acheter, ça veut dire que les choses n'existent pas, mais on les achète pour moins cher que si elles étaient présentes et qu'elles existaient. Et ça vaut également pour les rentes futures, donc plus on va en avant dans le temps, plus il y a une incertitude sur l'existence future, ou la réalisation future de ces profits, plus ça vaut, enfin moins ça vaut cher. Donc ça l'explique assez clairement. Avec alors chose intéressante pour ceux qui ont des souvenirs de Barbe, c'est l'expression Ceteris paribus, hein, qui veut dire toute chose égale par ailleurs, qui est très commune. Voilà. Elle est massivement dans ce texte. Je pense que c'est un des premiers textes qui l'emploie de façon aussi massive. Hein, mais toute chose égale par ailleurs, plus les choses sont lointaines, moins elles valent cher. Plus elles sont lointaines dans le temps. Alors, ça, c'était le premier argument, le premier élément. Il y a un deuxième lieu, ils prouvent leur cas par un cas semblable ou équivalent. Car si celui qui est sur le point d'employer lui-même son propre capital dans une opération commerciale vendait à un autre, la probabilité du gain qu'il en obtiendrait sous la condition qu'il emploie son capital aussi fidèlement que s'il ne l'avait pas vendu. C'est-à-dire que c'est le marchand lui-même qui vend son profit. Il va faire l'opération, mais il vend par avance le profit qu'il en fera, tout en assurant qu'il allait le faire, il le fera comme s'il le fait lui-même. Il est certain que sous une telle condition, il n'y aurait aucune usure, parce qu'on ne peut découvrir ici aucun caractère de prêt. Hein, ce n'est pas du tout un mouchou, il n'y a aucun élément de mouchou. En ce cas, il ne différencie pas du premier en ce qui concerne le risque du capital ou la vente du gain probable, mais seulement quant à l'acte marchand, qui est soit indirect, soit immédiat. Et on retrouve bien cet élément de l'usage indirect ou immédiat. Il y a donc ici davantage d'usure que dans le premier cas. Et en troisième lieu, il le prouve du fait que, comme on le verra plus loin à propos du capital emprunté ou détenu de force, l'intérêt d'un gain probable peut être exigé sans péché d'usure, du fait que celui à qui appartient le capital est considéré comme véritablement lésé par celui qui détient ou saisit de force son capital qu'il allait vraiment et sans fin employer dans le commerce. L'intérêt de ce gain probable était donc d'une certaine façon contenu comme dans sa cause et comme à l'état de semence dans ce capital. Enfin, c'est une formule très célèbre. Le capital contient, alors c'est une allusion à la raison séminale, c'est un concept pratique utilisée largement par saint Augustin, notamment, des raisons, c'est une chose qui existe par avance, qui est latent, qui se développera plus tard. Et donc c'est comme ça qu'il explique le capital comme quelque chose qui est présent causalement, qui n'est pas encore développé, mais qui est causalement dans l'argent initialement destiné à un commerce. L'argent pris en tant que capital possède déjà à l'état latent un profit probable, qui n'est pas encore, qui se développera par des opérations, par, donc par l'industriel, mais je pense qu'on va entendre parler de l'industriel, donc par l'industrie, par le travail, y compris par le travail intellectuel, le calcul d'anticipation que réalisent les marchands. Mais il existe, on peut le traiter comme déjà existant, alors même qu'il n'est pas encore totalement exprimé. Or, donc, dans le cas précédent, rien n'est vendu, sinon cet intérêt du gain probable contenu comme l'effet dans sa cause, dans le capital en tant que tel, c'est-à-dire en tant que véritablement destiné et assigné, sans le moindre artifice, à des opérations commerciales. Donc il faut que l'argent soit vraiment destiné à un investissement, pour le moment, si on veut généraliser maintenant pour la question des principes éthiques de la finance, c'est il faut que, pour qu'un intérêt financier, un profit financier soit licite, il faut qu'il repose sur un capital investi qui produise véritablement un profit commercial ou industriel réel. Donc c'est là où tout l'élément sur les futures ne marche plus. On va dire commerce, oui, négoce, non. Ça peut être la distinction de Aristote entre commerce et négoce. Non, parce que bah oui, non, parce que Aristote, ça comprend. Non, parce que on traduit comme ça chez Aristote, c'est dans le premier politique 1, c'est une distinction entre le commerce interne et le commerce loin. Ça sera, voilà, c'est une question de traduction, c'est toujours risqué de plaquer une opposition. Non, c'est qu'il faut qu'il y ait une activité réelle. C'est que la finance. Non, c'est juste que la finance doit être branchée sur l'activité économique réelle. Alors, Aristote, il disait que si on achète un bien pour le vendre à autrui, ça fonctionne, l'argent est pas entre les deux. Et si on achète pour revendre dans un voilà. Négoce, ça ne marche pas. Mais là, non, parce que lui accepterait cette situation. Il accepte tout à fait cette situation-là. Le tout, c'est qu'il y ait réellement, donc pas simplement, c'est là où je voulais venir à l'industrie, mais on peut le dire très vite, il faut qu'il y ait non seulement du risque, mais aussi de l'industrie. Et en réalité, ce qu'on voit apparaître ici derrière, qui est présent dans d'autres parties du traité, c'est qu'il faut qu'il y ait leur risque. Ce qui est dans la table industria, pour les sous-assises, il faut dire une activité, disons, c'est la dimension qualitative du travail. Voilà. Oui, c'est ça, c'est quelque chose. Ah, c'est pas du coup, c'est l'industrie, on a un moderne en français contemporain. Là, c'est un terme un peu ancien du 17e, par exemple. C'est pas ça. Ça vient de la scolastique qui s'est passée en France. On disait que Jacques Coeur était quand même plein d'industrie. L'industrie, ça veut dire à la fois des capacités d'imagination et de soins d'application dans le travail. Il y a toutes ces notions qui sont présentes. Et la légitimité du profit des marchands, c'est au fait qu'ils déploient une industrie, hein, même s'ils ne produisent rien eux-mêmes. C'est pas. Donc le mot de produire le travail, c'est de labor. Et d'abord, vous voulez dire la peine, la difficulté, enfin, c'est pas un travail au sens que nous avons nous maintenant, c'est quelque chose de pénible. Alors les marchands, argument contre les marchands, mais ils s'enrichissent en dormant, comme disait Mitterrand, mais non, ils ont quand même une forme d'industriel, ils se soucient des choses, ils planifient, ils organisent, et ça c'est une forme de travail qui peut être légitime. Donc je voulais juste... Je m'arrête là. On va sauter sur la chose suivante qui est le 6. C'est celui sur la question de la violence, donc des prêts forcés. Et c'est l'argument qui est évoqué ici. Juste pour dire un petit extrait de la question 2 du traité, qui est tout à fait autre chose, qui explique juste quelle est sur la question du juste prix. Comment est fixé le juste prix? Donc il y a deux questions qui donnent à tous les éléments du juste prix. Et l'un étant, la question dit, le juste prix tient compte de la virtuosité, de la vertu naturelle de la chose, ça tient compte de son utilité pour nous et de sa rareté, de son abondance ou de son manque. Mais ça ne suffit pas, puisque si c'est que selon l'utilité, La question, c'est est-ce qu'un prix peut être fixé selon la valeur de l'utilité conférée à l'acheteur ou à celui qui reçoit quelque service offert à titre bénévole, celui qui achète, qui acquiert un service ou qui achète un bien. Et ce qui est frappant, c'est presque partout, on le voit inventer des distinctions qui après sont extrêmement devenues extrêmement classiques dans notre vocabulaire. Et là, il y a bien les services, mais c'est vraiment les mots qu'il emploie. Donc, est-ce que l'utilité est personnelle? Et il dit que non, elle est collective. Et donc, il faut tenir compte du bien commun, de l'ordre du bien commun. Ça, c'est aussi un élément absolument crucial. Il y a tenir compte d'autrui et tenir compte du bien commun. C'est les deux éléments, deux des piliers de cette morale chrétienne. Et il faut donc se rapporter en premier lieu principalement à l'appréciation commune et à l'estimation faite collectivement par les communautés civiles. On insiste lourdement sur le communauté. Là, les prix, alors qu'il y a un mythe historiographique qui dit que pour les scolastiques, le juste prix, c'est le prix du marché. C'est à contre-sens total. C'est le prix du marché médiéval qui est un prix totalement administré. C'est un prix administré qui connaît quelques variations, mais ce n'est pas du tout un prix du marché qui résulterait de la libre rencontre d'offres et de la demande. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est vraiment un des très gros points de force connus par presque tous les historiens qui travaillent sur la question, ou les économistes qui comprennent mal. Et donc là, on a une question extrêmement claire qui dit que c'est bien un prix administré collectif et qui tient compte de quatre circonstances. Alors, il y a un certain ordre naturel des choses d'usage, c'est tient compte de leur qualité naturelle. Il y a des conditions communes de profusion et de pénurie ou de rareté et d'abondance. Et, point important, en troisième lieu, elle tient compte du coût. En fait, ce qu'on appelle les éléments de coût qui viennent de l'offre. Elle tient compte du labeur, des risques et de l'industrie déployée. Et là, notez bien le terme, c'est dans la mise à disposition des biens et des services. Alors, on a vraiment un concept de l'offre, c'est très frappant. Mais les éléments qui comptent sont la risque, labeur, risque et industrie. C'est bien ça. La base de tout profit du point de vue de l'offre, c'est, il dit, en effet, nous attendons un prix supérieur, toutes choses égales par ailleurs, vous avez l'expression qui vient ici déjà, aux marchandises ou aux services pénibles qui sont communément apportés ou accomplis, les marchandises apportées ou services accomplis, au moyen de labeur et de risques supérieurs. C'est pourquoi dans les régions qui sont globalement plus éloignées des marchandises de France ou d'outre-mer, celles-ci sont habituellement d'un prix plus élevé. Quant aux marchandises qui réclament une plus grande industrie, elles sont destinées pour un prix supérieur, toutes choses égales par ailleurs. C'est pourquoi les terrassiers ou les tailleurs de pierre, bien qu'ils travaillent plus de leur corps, ne reçoivent pas un prix comparable à celui de l'architecte, qui, avec davantage d'expertise et d'industrie, leur prescrit et leur ordonne des travaux à accomplir. Pour la même raison, le blé est d'un plus grand prix que les herbes sauvages, qui sont d'autant plus efficaces dans les remèdes, parce qu'elles ne sont pas cueillies avec un si long et si grand labeur et une telle industrie, et que leur quantité suffisante n'est pas obtenue communément au moyen d'autant de dépenses. Le quatrième élément, c'est la question des statuts, de la gradation et de l'ordre des offices et des dignités qui sont associés, c'est l'ordre social, la reproduction de l'ordre social. Les prix doivent être fixés pour refléter, maintenir le rapport de force sociale. Ce qui est, parce que je suis en train de lire un livre que je français, si vous ne l'avez pas déjà lu, je ne sais pas si tu l'as lu. Sur le prix, il dit exactement ça, que le prix, en fait, c'est concrètement quand ça se fixe, les prix se fixent d'abord et en premier lieu pour reproduire les divisions sociales et maintenir les rapports de force entre les différents groupes. Et on a ça, c'est très drôle de voir que c'est exactement présent ici. Et donc, c'est juste pour vous montrer, cette question d'industrie, elle est présente, elle revient ailleurs, dans une question sur le profit des marchands qui légitime le profit des marchands par le fait qu'ils ont une industrie. Ils sont comme les autres, les travailleurs, même si c'est un travail qui n'est pas pénible au sens du travail physique des maçons ou des laboratoires. Voilà, donc c'est pour ça que je vais donner comme autre pilier cette question d'une législation. Le profit financier doit reposer, pour être légitime, sur une activité réelle et un risque réel assumé par les acteurs. Et, voilà, et c'était ça en fait. Non, c'était extrêmement éclairant. Et encore, donc, je précise quand même que j'ai fait exprès de choisir. Je travaille dessus parce que c'est le texte le plus intéressant. Et on a beaucoup d'autres positions qui vont beaucoup moins loin. Et dans la longue durée du paradigme scolastique, puisque ça court jusqu'aux années 1830, on a encore des auteurs. Et jusque dans les années 1830, on trouve des auteurs qui veulent affirmer qu'à côté du Moutoum, il y a un autre prêt, alors donc un auteur de la Restauration, qui est le cardinal de la Luzerne. J'aime beaucoup de son nom. Il y a un très gros traité sur l'usure, et il essaie de l'expliquer qu'il faut reconnaître à côté du prêt, hein, du prêt dont il est question en 1635, le prêt de commerce. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ces arguments sont exactement ceux d'Olivier pour dire qu'il y a des opérations en capital qui n'ont rien à voir avec la charité. Évidemment, les marchands n'agissent pas par charité, ça, on est bien d'accord. Mais il doit y avoir des règles morales, il y a des règles d'éthique dans le partage des risques. Ils sont soumis à une forme de morale du contrat qui est interne au contrat. Ah oui, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire la chose essentielle tout à l'heure. En commençant, je vais y venir, si je ne l'oublie pas. Donc ça n'a rien à voir avec la morale de la charité, c'est un autre type. Et donc Olivier fait cette distinction entre le moutou et ce que lui appelle les opérations de capital, enfin les contrats de capital, et le cardinal de la Luzerne essaie de justifier ça, et il est attaqué très férocement par des gens, des rigoristes, qui disent non, ça ne va pas. Et en fait, on trouve à plein de moments dans l'histoire catholique, parce qu'après Calvin, il y a une libération du côté réformé, mais pour la doctrine catholique, il y a un maintien assez strict, et justement, qui devient plus strict après le Concile de Trente, et des auteurs, notamment chez les jansénistes, certains d'entre eux sont à leur tour attaqués pour avoir voulu faire une distinction et dire qu'il y a des. Il faut reconnaître, à côté du Moutoum, une autre forme d'opération. Parce qu'elles sont commerciales, elles visent un profit et ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est une position, donc c'est la position la plus libérale de la doctrine scolastique, qui est très loin d'être acceptée par le Moutoum. Mais du point de vue spéculatif, c'est vraiment l'auteur qui va le plus loin, qui est le plus précis et qui est peut-être aussi le plus contemporain sur ses façons de l'exprimer certains points. Donc maintenant, je me tais et je vais vous parler. Je vous laisse. Le micro est vraiment ici. J'ai pas mal de temps en fait pour extraire des ordonnances et des grâces papales. Est-ce que le fait de les vendre, c'est quelque chose qui est autorisé ? Les indulgences ? Oui, les indulgences, je ne sais pas comment c'est fait exactement, mais en fait, tout ce qui émane du pape. En fait. Oui, ça a été le gros scandale. Mais c'est une chose qui est plus tardive. Hein. Ça se développe au XIVe siècle, surtout au XVe. C'est une chose qui est absolument scandaleuse pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que Luther a bien. La crise a eu lieu sur ce point-là, parce que c'était jugé comme une chose de la simonie. Mais le fait de penser que c'était auto. Non, je ne connais pas, je n'ai pas travaillé spécialement sur ce débat, je ne peux pas. Mais ça fait partie de cette idée de où sont les limites de l'appréciable, de l'inappréciable, et qu'on peut vendre des indulgences. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été validé par le droit canon ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été validé par le droit canon ? Oui, oui. Ah oui, ça a été pratiqué. Le Vatican a été construit avec ça. En fait, on peut l'analyser comme des souscriptions. Ça veut dire que c'est la basilique Saint-Pierre, donc c'est des souscriptions pour l'édification de l'Église. Et on sera récompensé par quelque chose. Tout le problème était que le pape, c'est un. Donc ça, le fond du problème n'est pas tellement dans le. C'est une question financière, c'est plutôt le pape qui s'arroge un droit qui ne devrait appartenir qu'à Dieu. Le pape peut juger par anticipation des peines futures. Et ça, c'est ça qui passe mal. Mais l'indulgence, non. À cette époque-là, d'ailleurs, il y a une question de Lévi sur les indulgences, mais qui ne sont pas du tout monétarisées de la même façon. C'est un pèlerinage qui vaut quelque chose. Hein. C'est, on a une remise si on fait une croyance assez développée. C'est si on fait tel pèlerinage, on peut le faire. Après, l'indulgence, c'est on paye au lieu de faire le pèlerinage. Hein. C'est sûr que là, on voit très bien comment le purgatoire permet une monétisation effectivement scandaleuse. Mais c'est tout ce développement-là est vraiment de la fin 15e et du 16e. C'est vraiment la supériorité très tardive et qui est devenue extrêmement faible politiquement et qui réclame quelque chose d'exorbitant. En fait, j'ai une question, c'est plus une précision que j'aimerais. Ce que vous avez dit par le paradigme scolastique, c'est-à-dire, vous avez dit que c'est une pensée économique, chaîne scolastique, et vous avez dit que ce n'est pas une simple transposition de la morale. On ne peut pas dire que c'est... C'est la chose que j'ai oubliée, que j'avais en tête, que j'avais encore oubliée, et qui est fondamentale. Le franciscain dit, pour lui, ce qui est bien, c'est la pauvreté absolue, la pauvreté totale. Et donc il dit, on ne peut pas juger selon l'intention qui guide à rentrer dans un contrat. Puisque le contrat, c'est la rencontre de deux volontés. On ne doit pas juger selon les motivations qui poussent à faire un contrat. On doit regarder si le contrat est juste, si le contrat est équitable, si aucune partie ne lèse l'autre, et si la forme est juste, et si... Bah, l'exemple étant pris, alors Olivier n'est pas le premier à le dire, mais il est l'histoire la plus forte, et on tire des conséquences les plus fortes. Mais l'exemple qu'il reprend après d'autres, il y a un exemple qui est celui de la prostitution. Il y a un vrai contrat, donc on doit respecter le contrat, même si c'est mal, hein, même si l'acte qui est fait, même si l'objet est immoral, l'acte de contrat lui-même reste juste. Et en fait, Olivier, enfin, j'ai trouvé dans son commentaire sur la Genèse, il y a un passage où il cite assez longuement Augustin, il en fait un long développement, et Augustin dit, parle de la valeur des serments, et il dit même entre des voleurs qui font entre eux un serment, ils sont tenus de respecter leur serment parce que ce serait ajouter un péché supplémentaire à leur brigandage. Donc même des voleurs doivent respecter leur serment. Et Olivier lui dit, donc toutes les circonstances qui poussent à un contrat ne doivent pas être prises en compte, et c'est pas l'avarice, on ne doit pas juger selon l'avarice, par exemple. Puisque toute cette morale, elle vaut pour des gens qui sont avides de gains. Il le dit dès les premières lignes du texte. Ça concerne des gens qui s'intéressent aux biens matériels, qui sont avides de gains. La question, c'est de leur poser des limites. On ne va pas juger selon leur intention de gain. Parce que tout le monde. Le texte commence comme ça. C'est assez stupéfiant comme initiative. C'est est-ce qu'une chose peut être achetée, peut être vendue plus cher qu'elle ne vaut ou achetée moins cher? Et là, il dit un argument, il semble que oui, parce que tous le font. Tout le monde veut le faire communément. Et si ce n'était pas le cas, toute la communauté pécherait contre la justice. C'est un premier argument. Le texte commence par là. Donc il y a bien, mais il s'agit d'une communauté de gens, d'humains qui sont avides de gains et à qui il faut poser des limites, et qui sont imparfaits, et on ne peut pas juger de leurs actions selon le devoir de perfection. Ce sont des imparfaits à qui on formule une morale imparfaite, et on ne doit pas juger de leurs relations en fonction de leur avarice, par exemple. Parce que ça, c'est une chose personnelle, après, chacun sera juge, sera jugé en fonction de son action par son confesseur, qui dira c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais dans la relation mutuelle, puisque les deux côtés sont motivés, ont des mauvais motifs de faire des contrats. Le franciscain a abandonné toute richesse, tout bien, et pour lui, donc tout est mauvais. Et puisque tout est mauvais, il va pas juger selon cette. Et donc il admet, il y a des principes métaphysiques très importants, disons qu'on. Parce qu'où il s'oppose à son maître qui est Bonaventure, qui est un platonicien assumé, et Olivier déplatonise tout ce qu'il peut, et il dit on ne doit pas. L'imparfait ne doit pas être connu par le parfait. Et donc l'imparfait peut être connu en lui-même et jugé en lui-même selon une moralité adaptée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, effectivement. Et il reprend l'exemple de la prostituée aussi. Le contrat, même si l'objet du contrat est mauvais, il y a un contrat, et le contrat c'est comme un serment. C'est l'engagement de deux volontés qui sont engagées l'une par rapport à l'autre, et en dans un certain sens devant Dieu. Même s'il n'y a pas. Le serment engage devant Dieu. Mais même si le contrat est fait sans serment, on est engagé à respecter son engagement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur cette question. C'est le point extrêmement important que j'avais oublié, donc merci. Là. Et pourrait-on dire justement que c'est ce qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin quand il fait la distinction entre les échanges volontaires, enfin les actes volontaires, et puis tout ce qui est forcé, etc. Bien sûr. Et dans ce cas-là, le critère de jugement serait la justice, parce que ça concerne les actes volontaires. Et donc là, on rentre dans des choses des échanges qui doivent être réciproques. Oui, c'est bien ça, oui, c'est exactement ça, oui, non, c'est tout à fait ça. Alors, je n'ai pas parlé de son rapport avec Thomas d'Aquin. En fait, il est très proche de Thomas, par certains points. Il est très proche, il rajoute beaucoup d'éléments, il est beaucoup plus concret dans ses développements, mais il est très proche de Thomas, et peut-être qu'il rajoute plus de droits, plus d'éléments juridiques que qu'il a présenté Thomas, mais La base est vraiment la même et il est très, très proche, bien sûr. Non, c'est vraiment ça, effectivement. Donc il y a effectivement une dimension qui vient d'Aristote sur cette question. La justice, c'est bien ça. Et donc ce qui est frappant dans ce texte-là, c'est la convergence entre Aristote et le droit canon et la lecture franciscaine de la Bible. Et ça marche ensemble. On n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais je pense que ça vaudra le coup d'être tenté. L'un des penseurs musulmans qui est très critique à l'égard des lectures, des interprétations de la maxime que j'ai citée tout à l'heure, pose justement les choses en termes, explique le Bey par l'exigence de réciprocité. Et c'est à ça qui donne une dimension théologique. Ce qui ne serait pas en termes de réciprocité appartiendrait au domaine de Dieu, parce que ça relève du, comme le clonage ou de la création et non pas de l'industrie. Donc il me semble qu'il y a des passages qui pourraient être examinés. Une question qui me tracasse depuis très longtemps et qui n'a pas été complètement éclairée, je trouve, pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a en gros trois sortes de, entre guillemets, prêts, soit le Moutoum qui rêve, qui est associé au Moutoum en termes, et qui est associé à la sphère de la charité, le prêt commercial, mais le prêt au prince, tu en as parlé, comme si c'était régi par des règles similaires au prêt des enfin, gens la... qui sont dans le besoin. Non, c'est le prêt forcé. C'est toujours forcé. C'est pas que c'est toujours forcé, c'est interprété comme toujours forcé. Oui. C'est autre chose. Je connais un petit peu l'exemple à Florence, pendant très longtemps, on rémunère de cette façon-là, c'est vraiment des emprunts forcés, selon les niveaux de taxation, il y a des estimations de la fortune qui sont faites, et selon les niveaux de taxation, les classes supérieures sont tenues de faire certains prêts, et à ce titre-là, on les rémunère très bien. Et comme les prêts forcés, c'est un des grands débats, des grandes polémiques, et en réalité, c'est même un des moyens, c'est un des moyens d'assurer la domination de ces élites. C'est les plus riches sont forcés de faire des prêts qui sont très rémunérés, qui les enrichissent encore. Mais sur la longue durée. Non, c'est des prêts à court terme. C'est des prêts souvent à court terme, mais à taux très élevé, et qui sont, sont considérés comme légitimes car forcés. Ils sont forcés et la contrainte donne lieu à un intérêt élevé. Donc, je lis ici dans la distinction 6, dans le Bible 6, explique le prêt sous la contrainte, parce que il dit que c'est soit un prélèvement politique ou une exaction tyrannique. C'est un des mots. Il y a une politique parce que c'est pour une juste cause et tyrannique parce qu'il n'y a pas de juste cause. J'ai une politique, parce que ça fait référence à Aristote, ce qui est derrière. Et donc c'est tout ce qui est là, tout ce qui est contrainte, tout ce qui est violence et contrainte, dans ce cas-là, on considère l'argent comme un capital. C'est dans ce cas-là, la détention forcée. Et donc c'est là où il y a tout le débat, donc vous verrez dans la page 4 en le disant, il y a une distinction entre l'opposition de ceux qui disent qu'il faut juste rembourser les dommages et ceux qui disent, comme lui, qu'il faut aussi rembourser le manque à gagner. Et lui, donc, contrairement à Thomas, ne veut considérer que les seuls dommages, et lui accepte aussi la question du manque à gagner. Mais, vous verrez, il y a plein d'éléments un peu importants, mais il faut toujours avoir il faut fixer des clauses très précises. On ne dit pas. C'est pas n'importe quoi non plus. Donc il serait hostile à des clauses très générales comme le font les Florentins de créateurs. Sur cette question de violence et contrainte, justement, c'est là aussi il y a plein d'arguments en disant qu'un prêt, donc justement, l'emprunteur, dans le cas d'un prêt prêt pour la consommation, un mutuel par exemple, l'emprunteur est toujours contraint par son besoin. Donc c'est considéré comme une volonté conditionnelle ou une volonté contrainte dans le vocabulaire qu'on retrouve. Et dans ce cas-là, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, absolument pas d'intérêt, ni tout intérêt serait usuraire parce que c'est il y a une contrainte derrière. Voilà, c'est pas il a besoin, oui, c'est la question du besoin, oui. Ça c'est Odd Langdon qui insiste beaucoup sur ce point. Je trouve qu'il exagère un tout petit peu, ça me paraît moins central que ce qu'il dit. C'est vrai que c'est présent, c'est pas présent partout. L'argument est, oui, c'est pour subvenir. Enfin, moi, je vois vraiment ça plutôt comme la question de la survie, enfin, de la subsistance. Oui. Pas. Oui. Et de ne pas. Et donc, ça, c'est dans les points qui me paraissent vraiment. Enfin, qui ressortent du traité d'Olivie comme règle de morale, donc, selon la raison naturelle, enfin, pas les éléments théologiques. Et cet élément du bien commun qui est très présent. Mais il y a aussi cet élément de ce qu'il appelle la pietas, qui est le mot clé pour lui. Et la pietas, ça c'est un sentiment naturel, hein, qui est un sentiment de, alors dans la latin classique, c'est vraiment le souci affectueux de l'autre. La pietas, c'est le sentiment maternel, par exemple, mais par rapport à autrui, c'est ce qui s'oppose à la cruauté. Alors, on comprend mieux, ça pense, c'est l'absence de cruauté, et donc la bienveillance, la sollicitude, le soin, le care, non, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment la pietas, donc c'est un élément crucial. Donc c'est pas que la charité en un sens religieux qui vaut, mais c'est aussi pour lui la pietas qui est de ne pas abuser, de ne pas exploiter les faibles, de ne pas tirer profit des situations de faiblesse. Hein, c'est ça son grand argument. Plus que l'autre côté qui est la contrainte du pauvre. C'est pas parce que le pauvre est sous contrainte, c'est juste parce qu'on ne doit pas être, on doit naturellement, on ne doit pas être cruel envers les pauvres et on doit les soutenir. Donc la troisième question du traité est sur le cas de sur la question du juste prix, dans le cas de celui qui meurt de soif, et quelle est la valeur d'un verre d'eau qu'on donne à quelqu'un qui meurt de soif et qui vaut la vie inestimable. Donc là on passe dans l'inappréciable. L'inappréciable c'est la vie humaine. Alors, on ne peut pas lui vendre un verre d'eau pour le prix que ça lui, l'utilité que ça lui apporte réellement. Alors, il faut le donner simplement pour rien en réalité. Un exemple veut dire ça. On sauve la vie de quelqu'un, on lui donne un verre d'eau, on n'en a aucun prix. Par simple piété. C'est pas et c'est toujours là la distinction entre le registre théologique et le registre droit naturel, donc d'un droit naturel, c'est ça va dans le même sens, ça impose les mêmes choses, mais pour des raisons différentes. Un niveau c'est pour l'amour de Dieu, et l'autre niveau c'est pour l'amour de l'homme, par un sentiment d'humanité. Bah, donc c'est ça normalement, c'est son éthique. Et après, évidemment, dans le contrat, la justice de partie et l'absence d'inégalité. Là, on est quand même dans des raisonnements non théologiques. Oui, oui, on est très peu théologique. Là, la théologie se limite à dire que date et moutoune n'est pas une interdiction de l'usure. Le seul lieu dans lequel il y a vraiment une question théologique, c'est sur l'usure. Et tout le reste. C'est déconnecté, et c'est des questions de droit, et, enfin, de droit, de justice, de piété, enfin, de piétas. Mais c'est très très bien, bien sûr, c'est un théologien qui dit le péché c'est l'usure, il y a un autre péché qui est l'excès de juste prix, c'est une injustice. Et alors, il y a une théorie très intéressante d'une latitude, le juste prix peut avoir une plage de variation. C'est pas fixé, il n'y a pas un prix fixe pour chaque chose, il y a des plages de variations, c'est une latitude. Et c'est quand on sort de la latitude qu'il y a une injustice. Et son argument qui est très beau aussi pour dire pourquoi c'est naturel pour tout le monde, c'est de dire on préfère, et ça c'est vraiment ce qui peut valoir dans le débat contemporain, naturellement, tout être humain préfère la justice à l'injustice. C'est pas de dire que tout le monde doit être juste, enfin, moralement, bien être juste. C'est-à-dire, on préfère la justice à la justice, on préfère un une partie à une autre. Et donc, c'est une pensée morale qui, à mon avis, n'est pas du tout une pensée moralisatrice religieuse, c'est vraiment une forme de dire en soi, les marchands ont des raisons, les hommes imparfaits qui avis de Degas, peuvent néanmoins être dans le, trouver les normes de justice qui leur conviennent. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'ils se préoccupent de normes morales que les individus ont à s'approprier pour leur comportement, et non pas comme par exemple le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Gamal, qui énonce des règles de manière à contraindre les gens pour leur bien. Ce qui n'est pas la même chose, parce que il s'agit d'encadrer par des autorités religieuses les chars à bord, de définir ce qui est bon pour les gens, indépendamment de ce qu'ils peuvent comprendre ou décider. Non, ça n'a rien à voir. Là le but, c'est très clair, c'est la profession. C'est juste que le marchand agisse en sachant si ce qu'il fait est bien ou pas bien. C'est juste tout, non, mais c'est à lui de savoir. Et les confesseurs sont confrontés à des formes de contrats. C'est très inventif, le droit des contrats médiévaux. Donc il y a des inventions permanentes, 36 formes de contrats, et le confesseur, son travail, c'est d'arriver à dire ça, ça va ou ça va pas. Mais évidemment, il y a tardez-vous le contrat, vous allez dire non, ça, c'est pas bien, il faut dénoncer. Il y a des moments, alors Olivier n'est pas dans cette tendance-là, mais il y a eu des campagnes contre l'usure à différents moments, notamment le franciscain italien, qui était plutôt contre l'usure juive, et qui ont conduit à instaurer les noms de piété. Donc d'avoir des institutions qui font des prêts charitables avec un petit taux d'intérêt qui couvre les frais de fonctionnement du nom de piété. Après, au milieu du 15e siècle. Ça, voilà. Et ils sont très forts. Là, c'est un énorme encadre violemment, ils ont dit qu'il faut faire ça. C'est en Italie où. C'est un très fort mouvement anti-juif, évidemment. C'était l'expulsion des juifs et de les remplacer par des noms de piété. Dans certains cas, en fait, on voit que c'est les juifs qui ont compris le nom de piété. Il y a quelques années, j'avais été frappé par un commentaire d'un auteur qui s'appelle Raymond de Rouveur. Oui, bien sûr. Et je peux comprendre qu'il décrivait que les traités scolastiques, c'était pas exactement de ça dont il s'agit, mais si quand même, n'avaient pas beaucoup de rapport avec les pratiques. Ouais, ça, c'est ce que pensait le Rouveur. Et donc, ça m'avait un peu freiné dans ma recherche. Non, mais tel que tu exposes les choses, on voit comment circulent ces traités, les formateurs, les confesseurs, et donc les acteurs. Non, Raymond Rouveur, c'est un des pionniers, c'est vraiment un très bon travail. C'est quelqu'un qui vient, qui est un comptable. Il était un praticien, un comptable, qui est devenu historien, a fait un gros travail sur la banque à Bruges, puis sur le Médicis, et puis après s'intéressait à la pensée. Et effectivement, mais en ayant des références économiques modernes et en trouvant que ce n'était pas si fort que ça, on a quand même de trouver des prémices de théorie classique chez les scolastiques. Ce n'est pas toujours la bonne façon de faire. Mais comme c'est des contrats intéressants, et effectivement, il partage. Son dernier travail, c'est dans les années 71, je crois, c'est par là. Il y a un article de 75, ce qu'il faut lire, c'est un article de Jules Kirchner, paru dans les années 75, qui s'appelle simplement Les travaux de Raymond de Rouveur sur la pensée économique et scolastique. Et qui présente et qui fait une critique en même temps de Raymond de Rouveur. Kirchner étant lui extrêmement sceptique sur très anti-modernité du monde là. Lui-même a fait beaucoup d'articles très intéressants, mais pas de livres. Mais c'est un préjugé, oui, que l'Église était contre l'économie. Donc il y a un livre de 67, qui est le dernier livre français synthétique sur la question, qui est une thèse de droit, extrêmement mauvaise, mais c'est la seule chose qui existe, qui est de Jean Ibanez, qui s'appelle L'Église et les réalités économiques, la doctrine de l'Église et les réalités économiques. Comme s'il y avait d'un côté la doctrine de l'Église, de l'autre les réalités économiques et l'incompréhension entre les deux. Et l'Église en dehors du monde. Et donc ce qui a beaucoup changé, c'est tous les travaux, notamment. J'ai un italien qui est Giacomo Toleschini, qui lui a essayé, parfois de façon maladroite ou excessive, de montrer qu'il y a un discours économique dans l'Église, même en dehors de ces lieux où on discute vraiment de l'économie, et qu'il y a un lexique économique, un vocabulaire économique de l'Église. Lui, c'est pareil, au travail sur les métaphores, il y a une chose assez intéressante, et il a contribué à gommer cette idée qu'il y avait, que l'Église n'était pas dans la société. Et on arrive maintenant à un point où on étudie l'Église comme faisant partie de la société, elle n'est pas en dehors, elle est plongée dedans, et les marchands ne sont pas de mauvais chrétiens, ils essayent de faire des choses conformes à ce qu'on leur dit. Et on voit bien l'interaction entre les deux, l'intégration de l'homme et les auteurs. Très rapidement, toute innovation théologique est intégrée par les gens, ça s'écoute très vite. Et ils savent très bien, et inversement, les théologiens savent très bien ce qui se passe. Pascal, par exemple, les commentateurs actuels de Pascal et du XVIIe siècle, sur la casuistique, par exemple, la casuistique, je n'ai pas le nom d'auteur en tête, il n'y a strictement rien sur les activités économiques. Comme si, dans la question du probabilisme, de la casuistique, ça concernait des questions de société, non pas que l'Église était coupée de la société, mais que les activités économiques n'étaient pas dans les... Bien sûr. Non, mais ça, c'est une distinction. C'est le problème de l'histoire de la philosophie qui s'est constitué avec une vision très limitée de ce qu'étaient les vrais problèmes philosophiques, ou après l'histoire des sciences, qui ont limité ces choses. En histoire des sciences, il y a quand même une grande tendance depuis une trentaine d'années. L'histoire des sciences a ancré les débats scientifiques sur les réalités sociales plus complexes. Mais en philosophie, le barrage n'a pas sauté. Et les philosophes restent un petit peu dans leur citadelle. Je suppose que je fais une histoire intellectuelle, mais c'est de faire le travail de lire les textes et de mettre en situation. Et c'est que comme ça qu'on arrive à avancer, je pense. On pourrait se mettre dans les performativités des concepts théologiques. Bien sûr, exactement ça. Oui. Ouais. Là, vous parlez donc de la France et de l'Italie. Est-ce que vous avez regardé l'Angleterre? Oui. Est-ce que vous voulez savoir? Non, je sais, j'ai très peu de connaissances là-dessus, mais je crois qu'il y a quand même le droit canon qui pénètre en partie et qui contribue au développement d'une justice spécifique qui n'est pas la common law, qui est l'écoutille. Et donc, je me demande si ce que vous écrivez là pénètre cette situation. Oui, c'est différent. Le droit canon s'applique en Angleterre comme dans toute la chrétienté. Hein. C'est universel dans la chrétienté. Et il y a des tribunaux ecclésiastiques qui font appliquer la législation sur l'usure, des confesseurs, etc. Ils se trouvent effectivement qu'il y a peu de textes développés sur la morale économique et que les textes importants sont surtout rédigés soit à Paris, mais parfois par les Anglais, à l'Université de Paris, soit effectivement dans le sud de la France ou en Italie. Spontanément, ça ne me vient pas en tête des grands auteurs qui traitent de ces aspects-là. D'autres façons d'approcher, il y a d'autres types de pensées. Mais sinon, oui, ça marche. Les mêmes bases sont présentes et ils ont. Je connais que des recueils de manuels de confesseurs. Donc on a plein d'anglais qui ont fait des manuels de confesseurs appliquant les règles moins spéculatives que ça, mais très précis. Donc, au moins jusqu'au 15e siècle, c'est le même qui n'est pas ce que ça. Après, je ne me lancerai pas sur... Il se passe des choses bizarres partout au XVIe siècle. C'est plus mon idée. Je veux pas... Enfin, si je peux dire ça, mais pas généraliser. J'ai vu ça. Bon, tout. Bonjour. Je veux dire que le droit canon se constitue en réaction au droit romain. Pas en réaction, en prenant appui sur... Ils ne disent pas la même chose. Les auteurs qui redécouvrent le droit romain à Bologne font de la pratique. Hein. Les premiers auteurs rédigent en même temps des formulaires de notaire. Hein, c'est vraiment lié à la pratique. La pratique civile, la pratique des contrats. Les canonistes, eux, s'intéressent à l'Église. Ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même objet. Le droit canon succède. Ça ne succède pas, ça vient juste après, c'est dans la foulée et ça se pratique au même endroit. Tout est Bologne, il y a une faculté de droit civil, une faculté de droit canon, et on a des docteurs qui sont docteurs dans les deux droits. Il y a plein de docteurs qui sont docteurs dans les deux droits, c'est tout à fait normal. Et on a beaucoup d'allégations de droit romain dans le droit canon, un peu moins à l'inverse, mais on voit, si on suit dans le détail, même sur la question du droit des contrats, il y a des éléments très intéressants, enfin, je ne vais pas dire trop rapidement, mais les canonistes font justement, comme ils ont cette idée que, au fond, Dieu juge tout, Dieu juge les intentions, etc. Il y a une forme de généralisation, de normalisation, là où le droit romain a des formes de contrat très différentes. Et c'est dans l'échange entre droit canon et droit romain que ça rentre une théorie qui est très originale, dans laquelle on définit le contrat nu, enfin le pacte nu avec, on appelle les, s'il est nu, il faut des vêtements. Donc on a des vêtements qui sont des actions juridiques, donc une façon de décomposer les institutions du droit romain en éléments plus simples et dans lesquels on revient à cette idée du pacte qui est fondé sur l'échange de volonté, parfois sanctionné par un serment, etc., qui donc donne des formes de contrat plus générales. Enfin, la base de ce que j'ai présenté ici, hein, une typologie très simple de contrat. Donc ça joue beaucoup, et ça s'écrit dans les deux sens. Et le droit romain, un droit civil, retire des éléments du droit canon, mais en gardant bien sûr ces différences, et en n'imposant pas des interdits qui sont typiquement, les gens ont très bien conscience, il y a plein de textes qui sont très intéressants, les gens notent les différences. Donc, ici, le droit canon n'est pas d'accord avec le droit romain. Mais ce n'est pas en réaction contre, enfin, il prend appui sur, avec un objet différent, dans une optique différente, avec quelques outils un peu différents aussi. Donc c'est il y avait une volonté quand même de, comment dire, de d'agir un petit peu comme un garde-fou, quoi, par rapport au droit romain, de fixer. Oui, mais de changer, de dire effectivement que, ben, que le droit romain n'est pas valable tel quel. Mmh. Il a beau être. Parce que donc, le droit romain, il faut savoir que c'est le code de Justinien, donc c'est quand même un empereur chrétien, transmis avec des éléments plus anciens du digeste. Il s'agit de dire dans le droit romain qu'est-ce qui est encore valable, qu'est-ce qui n'est plus valable. Notamment sur l'usure, il y a des dispositions qui ne sont plus valables. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais la question de l'usure, donc c'est très ancien dans le christianisme, mais l'idée que l'interdit s'impose à toute la société, ça c'est une idée de la fin du XIIe siècle, pas. Donc tout a changé à ce moment-là pour des raisons très complexes, avec le développement économique. Hein. Je mets juste la distinction notum phoenus, et celle des reculum et des resicum. Est-ce qu'on doit dire que periculum se renverrait à notum et resicum à phoenus? Non, c'est trop simple. C'est trop simple. Non, résicum, c'est le mot vu vernaculaire. C'est le mot qui s'emploie dans les contrats. Et les latins, les auteurs scolastiques, ne prêtent pas ce mot qui est un mot récent, un néologisme. Mais ils prêtent periculum, qui est un vieux mot du droit romain, qui vient de. Mais ils l'entendent au sens de risque. Alors que phoenus, c'est un mot tabou, non, on ne doit pas employer, qui désigne un mauvais contrat qui est illicite. Phoenus, oui. En soi, le phoenus est un prêt onéreux, un prêt qui implique, qui implique une rémunération, et il est scandaleux. Il est interdit. Par Justinien lui-même, déjà. Il y a une discussion. Il est présent dans le digeste, mais interdit par Justinien. Quand vous disiez que la Lusiane parle du contrat de capital, c'est Olivier qui parle. Le canal Lusiane, lui, dit c'est les prêts de commerce avec les traits du monde. Ça, c'est en auto ou les phoenus? Non, c'est pas. On ne peut pas le mot phoenus. Il dit. C'est curieux quand même, parce que. Le mot est devenu tabou, mais on réinvente. Voilà, mais on réinvente quelque chose. Non, il y a des auteurs, il y a des juristes réformés qui reprennent le mot, qui reviennent dessus, bien sûr. Non, le contrat de capital, c'est auto. Non, le contrat de capital, c'est Olivier. C'est Olivier Ferry. Ça revient auto. Non, c'est le contrat de capital, c'est Olivier qui distingue l'argent comme capital, n'est pas l'argent du mutuum. Ça s'oppose. Mais c'est pas un phoenus. Parce que c'est pas un prêt. Justement, c'est un contrat qui n'est pas un prêt. Ça correspond plutôt au contrat de commande. Hein. L'important, c'est que ce ne soit pas un prêt. Et donc après, les auteurs essayent de trouver, certains auteurs essayent de trouver des solutions pour dire il y a aussi un auteur, un minime cousin de la fin du XVIIe, qui est très intéressant, qui est à sa façon essayer de réinventer quelque chose. Et ils sont tapés dessus très violemment en général, les auteurs qui essayent de faire ça. En fait, oui, ça veut dire que l'investissement est autorisé parce qu'il n'y a pas de notion de rendement garanti ou pas garanti, alors qu'en fait, tout ce qui est emprunt, obligation, dette, au fond, avec l'argent de rendement garanti, est interdit. Non, c'est un peu compliqué, j'ai plus entré la question des rentes, il y a une question compliquée. Non, ça peut être autorisé. Lui, on parle très peu, parce que ça se pratique peu à Narbonne, ça se pratique beaucoup plus dans le Nord. Donc il y a un grand débat sur les rentes. Non, c'est tolérable, c'est discuté, il y a plein de. Certains contrats avec des rendements garantis peuvent être acceptables. La solution étant encore de dire c'est pas un prêt. C'est on achète le droit de percevoir un revenu. C'est un achat. Et c'est l'achat d'un droit de percevoir un revenu. Et le droit de percevoir est encore une fois un concept élaboré dans le droit canon, très général pour définir les revenus d'une église. L'église peut avoir un droit de percevoir pour les dîmes. Il a un droit de percevoir. Et après, c'est un auteur totalement inconnu qui est des années 1980, qui servait du Mont-Saint-Éloi, qui a inventé cette idée. Il a trouvé la solution au problème en disant, dans un contrat de rente, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent pour recevoir un revenu régulier, à vie ou pour une durée déterminée, contre la construction de rente, le profit peut être légitime à condition que ce soit considéré comme l'achat d'un droit de percevoir un revenu, et pas un prêt d'une certaine somme pour recevoir chaque année quelque chose. Parce que là, ce serait absolument interdit. Mais si ce n'est pas un prêt, ça marche. Et après, chaque situation, il y a plus tard, au XVIe siècle, d'autres formes de contrats complexes qu'on distingue en différents éléments. Il y a le contrat prime, il y a plein de subtilités. Ou à chaque fois, le même modèle, c'est là où je parle d'un paradigme, c'est d'analyser les situations du point de vue d'une typologie simple des contrats en mesurant est-ce qu'il y a ou non un goutron quelque part, dans ce cas, est-ce qu'il y a une mesure. Et donc c'est une casuistique dont se moquent beaucoup les auteurs du XVIIIe siècle. Il y a des critiques assez féroces, même du XVIIe. Non, beaucoup des scolastiques sont perdus tout à fait ce qu'il y a, ce qui fait l'intérêt de leur démarche. Et la réponse générale de Turgot ou c'est Ricardo qui a aussi fait un traité sur la religion, c'est absurde toutes ces distinctions, ces arguties. Il faut qu'il y ait un seul prêt, qui est ce prêt commercial, pour lequel un intérêt est légitime. On ne doit pas passer par toutes sortes de subterfuges pour masquer quelque chose qui a la rémunération. Donc on passe à un droit de modèle simple, en abandonnant une conceptualité compliquée. Est-ce que ça rentre dans tes cas? Moi, je suis obligé de laisser décanter un petit peu parce que je découvre un univers que je connais peu. Mais en revanche, je pense qu'il y a une série de questions qui pourront être reprises à partir de l'examen des argumentations qui sont développées pour définir les interdits, les produits dans la finance islamique. Mmh. J'avais entendu une collègue il y a quelque temps nous dire que la finance islamique était une proposition qui venait du monde musulman, mais qui en fait répondait à une attente de l'ensemble des monothéismes. Mmh. Et quand on regarde de près, il me semble que dans les argumentations, il y a de sacrées différences. Mmh. Par exemple, la question qui est posée ici, c'est s'il y a risque, il n'y a donc pas usure, alors que toute l'argumentation autour du garar, par exemple, c'est de dire dès qu'il y a incertitude, il faut interdire. C'est quand même des lignes, c'est très approximatif ce que je dis pour l'instant, parce que je n'ai pas évidemment suffisamment travaillé dans le détail, mais voilà une argumentation qui distingue, qui me semble rendre difficile la convergence entre l'argumentation chrétienne, au moins dans sa forme médiévale, dont tu as dit qu'elle n'était pas remise en question, si ce n'est pour passer à l'intervention de la rencontre. Donc là, il y a une question de recherche qui est intéressante. La diabolisation du hasard aussi dans la finance islamique est étonnante parce que dans d'autres domaines, que ce soit le monde antique ou aujourd'hui, et en probabilité, on lit au hasard les puits probabilités, l'égalité des situations, etc. Et donc, là, on a quand même des éléments de divergence. Ce mot hasard vient de là. Oui, donc voilà, il me semble qu'il y a des liens. Moi, je trouvais, par contre, je trouvais ça assez proche en voyage. Assez ? Mais je trouvais ça assez proche. Enfin, le type de réflexion qui nous est présenté là, que vous avez soumis, je trouvais ça assez proche du raisonnement qui peut intervenir en islam. Alors, il va falloir qu'on y regarde de beaucoup plus près. Je n'avez sans doute pas eu le temps de lire le texte que j'ai fait circuler là, il y a le Gamal. C'est pour ça que c'était, à mon avis, important d'avoir cette séance-là, parce qu'on est dans le même style d'argumentation. Mais une fois que nous nous sommes familiarisés avec ce style d'argumentation, c'est-à-dire qu'on abandonne la pensée en termes de modèle et que l'on rentre dans des concepts, dans une casuistique, etc., une fois qu'on fait cet effort-là, je ne suis pas si sûr que les choses soient si proches. Alors ça dépend sans doute des auteurs. Moi, parmi les auteurs que j'ai consultés, il y en a un, effectivement, qui me paraît, je n'ai pas forcément le droit de faire valoir ma sensibilité personnelle, mais qui me plaît beaucoup, qui est très intéressant et qui est assez proche de cela. Mais l'autre que j'ai cité, Al-Gamal, etc., ce sont des néoclassiques. Non, mais... Ah oui, non, mais oui, alors voilà, je dis donc. C'est ça. Ah. Mais en même temps, bien sûr, mais... c'est ce qui fait le substrat religieux de leur pensée. Parce que là, en fait, dans la finance chrétienne médiévale, le discours théologique est proche. C'est-à-dire que c'est le discours théologique, c'est une forme de prolongement du discours théologique. Alors que pour ce qui est de la finance islamique, elle apparaît quand même beaucoup plus tard par rapport aux sources premières, mais aussi par rapport à certaines formes d'âge d'or de la pensée islamique. Et je pense que s'il y a des différences, je pense qu'il faut surtout les chercher dans le décalage qu'il peut y avoir entre la pensée économique et le substrat théologique. Et vous aviez en tête des auteurs médiévaux ou des auteurs contemporains? Ben justement, enfin, la pensée économique chez les auteurs médiévaux, chez les premiers juristes par exemple, elle n'est pas aussi développée qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il reste à des principes fondamentaux. Quoi. C'est plus ce que vous disiez, là, le fait de. Ce que dit Ricardo un peu, quoi. C'est-à-dire revenir à, disons, à une conception plus fondamentale. C'est ça, chez les premiers juristes, là, donc, les conceptions financières, elles sont fondamentales, elles sont principières. Et je pense, est-ce qu'il y a un croisement avec le droit qui se fait, enfin, ce type de typologie des contrats ou des choses comme ça qui apparaissent, parce que... Là, par contre, là, je ne dois pas. Mais c'est juste un angle de pensée que je suis en train de dénoncer, mais pour ce qui est des contrats, ce que je ne connais pas assez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le développement de la pensée économique en islam est quand même relativement récent. Donc, il y a forcément des. Sur quelle base elle se fait, en fait, le développement de cette pensée économique. En tout cas, il est sûr qu'elle apparaît. Elle apparaît pas déjà dans un pays, enfin, l'Arabie Saoudite, c'est pas le pays où la pensée islamique est la plus riche. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, énormément. Oui, non, mais je veux dire. Et c'est extrêmement. En termes économiques. Raffiné, la pensée. Là, j'en ai qu'un texte, là. Mais j'en ai beaucoup d'autres. Non, j'en ai deux, là. Je vous assure qu'elle est très, très élaborée et elles sont extrêmement diverses. Je parle du substrat religieux. Oui. Donc, vous rejoignez un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est qu'il y a peu, apparemment, peu de penseurs de la finance islamique aujourd'hui, qui intègrent une préoccupation théologique et éthique. C'est un peu ça que vous vouliez dire. Enfin, moi, c'est ça que je voudrais dire. Ou alors, s'ils le font... Il faut voir sur quelle base il doit être. Sur des bases. Mais comme je le disais, dans le christianisme, on a une phrase, hein, on a cinq mots. Ouais, là, oui. Après, il y a d'autres éléments, bien sûr, qu'on peut utiliser, mais c'est vraiment parce que tout se résume à ça, c'est à partir de là, il y a des clauses à l'infini sur un terme qu'on arrive à développer quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que déjà à une financiarisation de la société, déjà. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, les penseurs musulmans, anciens, ne sont pas calés sur les questions d'argent. On a tout un tas de définitions de ce qui est prohibé de l'intérêt qui s'expriment en termes d'équivalent de part et d'autre. Donc de l'argent peut-être, mais du blé, de l'huile et de l'huile. Le bétail. Voilà. Donc ça concerne les transactions où la rétribution est de même nature que le produit cédé, vendu, etc. Mais il y a de très grands, il y a des écarts subtils entre les différentes écoles de droit. Ça veut dire quand même qu'il y a une réflexion très. Oui, mais c'est-à-dire quel est le fondement spécifiquement islamique de la finance islamique? Ça justement, il faut qu'on aille voir, parce que c'est pas sûr qu'il y ait un fondement proprement islamique. Sauf il y a un auteur qui a une lecture théologique des termes riba, bé, al-karar, etc. Et là, ça ouvre des perspectives extrêmement passionnantes. Mais il faut voir partir de quelle base réfléchissent ces penseurs-là, quoi. Et de quelles écoles de pensée islamique seraient là. Par exemple, entre un juriste qui, par exemple, affilié à une voie soufie et un juriste wahhabite, il y aura certainement des écarts. Mais entre des penseurs wahhabites, il y a aussi. Aussi là, y compris en Arabie Saoudite, dans les universités des écarts énormes. Non, mais entre des franciscains, tous ces jugements un peu à l'emporte-pièce sur. De tout arriver à reconstituer quel est le modèle épistémologique de l'analyse. C'est ça. Et de voir les variations au sein de ce modèle. Et